sur le rôle des prophètes, parce que j'ai relu pour la troisième fois ton livre « Il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes ». J'ai trouvé que c'était un livre à caractère prophétique. Alors, attention, tu vas mettre les pieds. Alors, peux-tu nous définir d'abord c'est quoi un prophète? Et puis les questions qu'on se posait à table, là, c'était quelle différence il y a entre un prophète et un voyant? Et quelle différence peut y avoir encore entre un voyant et un clairvoyant? Bon, alors, entre un prophète et un voyant, le prophète est une personne qui a une sensibilité suffisamment développée pour pouvoir être manipulée, contrôlée par deux formes d'énergie, qui, les deux formes, sont contrôlées par ce que nous appelons l'intelligence supramentale. Le prophète est celui qui aura une vision de ce qu'il devra dire de façon à préparer le chemin à l'accomplissement de quelque chose qui se doit d'être fait. Et le prophète peut aussi être celui qui va annoncer la tangente de l'humanité. Donc, on a deux formes de prophétie. L'une qui peut être transformée par l'humanité. Souvent, elle va avoir trait à l'apocalypse ou à une forme d'apocalypse. Donc, c'est une forme d'avertissement, en quelque sorte. De la tangente humaine. Et le même prophète ou un autre prophète peut aussi lui annoncer, c'est-à-dire instruire l'humanité pour préparer le terrain à l'instauration de quelque chose de neuf en vue de l'amélioration de l'homme, et ça ne peut pas être changé par l'humanité. Le voyant est une personne qui a une sensibilité, mais qui va être régie par des contextes astraux, des contextes énergétiques beaucoup plus limités, moins puissants, moins grands, donc qui auront moins d'autorité. Et le clairvoyant ou le voyant, c'est un peu la même chose. Évidemment, on pourrait définir les deux termes de façon assez différente, mais pour la majorité d'entre les personnes qui écoutent, le voyant ou le clairvoyant, on peut les mêler aux mêmes choses. Le voyant sera celui qui pourra voir des tangentes de l'avenir. Le clairvoyant va voir les tangentes de l'avenir. Il va aussi être capable de voir la psychologie immédiate d'une personne. Donc, il voit clair, c'est-à-dire qu'il voit ce que la personne essaie même de lui cacher. Donc, on pourrait dire, dès le départ, peut-être dans tes termes à toi, que il y a donc deux sources d'inspiration, une qui serait le plan astral, pour ce qui est des voyants, clairvoyants, puis une autre qui serait le plan éthérique, pour ce qui est des prophètes. Non, le prophète peut aussi être assujetti à un plan astral. Disons qu'on a, comme prophète, on a la personne... D'ailleurs, la prophétie, elle a une raison d'être. On ne fait pas de prophétie. L'homme a toujours voulu savoir ce qui pouvait lui arriver. Alors, on a les devins. Ce sont des prophètes de petit ordre, ce qu'on pourrait aussi appeler clairvoyants ou voyants. Les personnes qui vont venir à toi et qui vont te dire, pour flatter ton ego, que tu vas devenir puissant, que tu vas gagner la loterie, que tu vas être riche, que tu vas rencontrer un homme ou une femme qui va te plaire, que tu vas réussir, que tu auras quelques problèmes, mais tu vas bien t'en sortir. Bon, on essaie de mettre un peu de problème dedans pour que la logique reste à peu près irréprochable. Ce genre de devin, ce genre de prophète, ce sont des personnes qui peuvent vivre de ce contact avec les énergies astro qui permettent aux devins, aux prophètes, de savoir ce que toi tu sais, mais que dans ta conscience tu ignores. Alors, ce qui arrive, c'est que chaque fois que tu penses à quelque chose, cela est gravé. Premièrement, dedans ta chimie corporelle, dedans ta mémoire physique. Cela va imprégner, va impressionner la matière extérieure, l'air et toutes les énergies qui vont constituer la planète Terre. De ce fait, tout ce que tu penses peut être communicable, donc télépathiquement, peut être aussi communicable téléphatiquement. Télépathiquement, cela veut dire que par certains processus, certaines pratiques, tu arrives à penser à quelque chose et une personne, avec qui tu vas vouloir communiquer va être capable de penser à la même chose en même temps. Téléphatiquement, cela veut dire que toi, tu viens me voir et tu me demandes j'ai un problème, j'aimerais savoir mon avenir. Alors moi, je suis capable, à ton insu, de lire ce qui est inscrit chez toi. Donc, je vole tes idées, je suis un voyant ou un clairvoyant. De cette façon, je suis capable, par le biais de ma propre conscience, de me laisser impressionner par ce qui n'impressionne pas ta conscience chez toi. Alors, je vais pouvoir dire, toi, tu es tel genre de personne, tu fais telle chose, tu as tel problème, telle réussite. La tangente, le clairvoyant ne le dit pas parce qu'il est un occultiste, il tend à occulter les choses, donc à mystifier les choses. C'est comme un peu comme le médecin, il veut se conserver le pouvoir seul de pouvoir le faire. Alors, il va pouvoir dire, demain va t'arriver telle chose, telle chose, telle chose, et ça, ce sont des tendances. Ce sont des prophéties astrales qui vont enseigner à l'homme sa tendance. Cela veut dire que cela peut être changé n'importe quand. Cet avenir n'est pas fiable. Le prophète, le devin, entre dans une ville et il va être capable de dire, cette ville est maudite. En termes religieux, cette ville est bénie en termes religieux, c'est-à-dire que la tangente, ce que lui perçoit énergétiquement lorsqu'il pénètre dans la ville, dans la famille, dans un hôpital, quelque part, lorsqu'il pénètre, il perçoit énergétiquement quelque chose et cela impressionne sa conscience. La majorité des prophètes et des devins sont suffisamment matériellement bons en vibration qu'ils ne peuvent pas lucidement, comme l'homme nouveau et la femme nouvelle vont le faire, être capable d'interpréter ces signes. Alors, ils ont besoin de cartes, comme le tarot. Ils ont besoin de radiesthésie, ils ont besoin de thé, ils ont besoin de nuages, ils ont besoin de quelque chose, la cristalloscopie, une boule de cristal, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir, disons, raffiner l'impression qu'ils ont de l'énergie qu'ils captent. Le tireur de cartes sort une carte, par exemple la papesse. Il regarde la papesse et celle-ci, selon l'impression qu'il perçoit de la personne, va lui suggérer quelque chose. Alors, selon l'affinité qu'il aura à être sensible à l'énergie de la personne, il pourra être motivé par son tarot pour arriver à diagnostiquer relativement bien la psychologie immédiate de la personne. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, ça fait vivre le cartomancien. Est-ce que c'est utile pour celui qui se fait tirer? Jamais. Est-ce que c'est nuisible 99,9% des fois? Oui. Donc, est-ce qu'on a intérêt à se faire tirer aux cartes? Non. Si on veut faire preuve de charité, on donne 10$ au tireur de cartes et on s'en va. Bon, sinon on le garde. Mais on ne s'assoit pas pour se faire tirer. Lorsque l'être humain, n'importe qui d'entre les hommes et d'entre les femmes qui sont sur la planète, soit par un contexte biologique, une maladie, une nourriture, une drogue, un jeûne, une purge, un sauna, soit par un contexte psychologique, un traumatisme psychologique, un contact avec une énergie supérieure ou une énergie astralisante, une énergie comme un maître, comme un dieu, une énergie spirituelle. Dans ces contextes, la vibration de la personne peut suffisamment changer pour la mettre en relation avec, donc pour la placer en état de sensibilité, de sensitivité avec des énergies qui sont présentes régulièrement et que l'homme, normalement, va sentir. Prenons l'exemple de l'aura. L'aura qui est simplement un champ électromagnétique qui est émis par la conductibilité nerveuse à travers les méridiens d'énergie, quelque peu à travers les nerfs. Les personnes vont dire, elle est, par exemple, verte de honte. Le vert a effectivement une relation, le vert va être émis par le corps lorsque, dans la psychologie de la personne, il y a un transfert endocrinien qui transmet au corps l'idée même de la honte. Noir ou rouge de colère. Bon, effectivement, auriquement, on le perçoit. Alors, chaque fois qu'on a, dans la tradition orale, quelque chose dans le genre, on a une perception intuitive, mais inconsciente, d'une énergie. Mais dans le vocabulaire courant, on l'emploie. Alors, la personne va pouvoir rentrer quelque part et elle va dire, c'est drôle, mais j'ai comme une impression, j'ai un mauvais feeling ici. Alors, j'aime autant m'en aller. Et il peut y arriver quelque chose là. Il peut arriver quelque chose dans la maison, dans l'endroit, etc. La personne, elle ne sait pas. Aujourd'hui, l'intellect est suffisamment développé pour nuire à cette intuition, ce qui est en soi bien pour l'homme, parce que ça instaure le doute. Et la prophétie est là pour fonction d'instaurer le doute dans l'humanité collective. La prophétie, elle n'est pas là pour instruire l'homme de ce qui va arriver. Il y a deux sortes de prophéties. Il y a la prophétie apocalyptique et la prophétie apothéose. Et les deux se suivent l'une après l'autre. On a toujours le prophète de malheur et ensuite le prophète de la paix. Et il y a une raison logique et évidente, et ça, c'est le rôle de la prophétie. Maintenant, lorsque la personne devient suffisamment sensible, elle se couche ou elle est éveillée, et soudain, elle a comme l'impression, on appelle ça un feeling en québécois, elle a l'impression énergétique de quelque chose. Elle voit quelque chose, elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Parce que ce n'est pas raisonnable, c'est un contact. Lorsque tu sens l'odeur d'une rose, ce n'est pas raisonnable. Tu le sens. Tu ne peux pas l'analyser, tu sens. Alors évidemment, à la longue, par le processus des mots, tu peux arriver à tuer cette odeur pour l'interpréter en mots. Mais ça prend un laps de temps suffisamment long. Lorsque tu as l'impression de quelque chose, la personne, par exemple, elle va se coucher et elle va dire, elle va prendre une plaque d'or. Elle va graver dessus, « Maudits soient les profanateurs de ma tombe en cette année de, disons, 1615, pour ne pas trop rapprocher. » Et on met la date et le jour, par exemple. Et lorsque la personne meurt, elle se fait enterrer avec cette plaque dans sa tombe. Ce qui fait que plusieurs années après, on va se demander si ce bonhomme a réellement existé. Mais il y a une tombe. Alors on va se diriger vers la tombe, un peu chaud, pour pouvoir baisser suffisamment nos énergies, pour ne plus être dirigé par les énergies spirituelles de la place. Et on va creuser la tombe. Pour voir. Et on trouve un squelette, et on voit une plaque d'or, et c'est écrit « Maudits soient les profanateurs de ma tombe en ce... » C'est la date exacte où les gars regardent. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé? Ce serait une prophétie drôlement impressionnante. Vous imaginez? Le gars dit « Il n'a jamais existé, ce bonhomme-là. » Alors, on va voir, il y a une tombe. Alors, est-ce qu'il y a... peut-être que la tombe est vide. Alors, on ouvre la tombe, et c'est écrit « Maudits soient les profanateurs de ma tombe » en ce 14 février 1986. Et vous êtes là, puis vous regardez la plaque. Alors, effectivement, les personnages n'ont pas dormi pendant quelques années. Et cet événement est arrivé. Comme tu sais très bien, toi. Oui. Michel de Nostradam ou Nostradamus. Lorsqu'on a déterré sa tombe, il y avait une plaque d'or dans sa tombe que lui avait fait graver, qui maudissait les profanateurs de sa tombe. La journée même où on l'a profané. Comment ce personnage arrivait-il à être suffisamment sensible pour entrevoir des lignées temporelles? On a une prophétie immédiate, on a une prophétie qui court à long terme, et on a une prophétie extensive. Le problème, la majorité des prophéties sont extensives, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver, ils peuvent s'étendre dans le temps. Chaque fois qu'une prophétie est extensive, elle est directement générée par l'astral, c'est-à-dire qu'elle exprime la tendance de l'humanité. Si elle exprime la tendance de l'humanité, on ne peut donc pas la dater. Pourquoi? Parce qu'elle peut être changée. L'apocalypse de Saint-Jean, l'apocalypse de Nostradamus, l'apocalypse d'Edgar Cayce, l'apocalypse de Jean 23, et on pourrait en nommer plusieurs, Malachi. Ce sont des apocalypses qui enseignent à l'homme la tendance de l'humanité. Jamais Dieu ne vient parler par ses prophètes. Ce sont des prophètes de malheur qui, malgré ce qu'ils viennent instruire, annoncent toujours, après l'apocalypse, l'apothéose de l'humanité. Et l'homme vit, l'homme prêche, l'homme respire que cet apocalypse sans jamais parler de l'apothéose. On a déjà fait un symposium ici, justement. Après les prophètes de malheur, voici les prophètes de la paix. Où on avait quatre conférenciers qui venaient élaborer sur l'apothéose prophétisée par les prophètes d'Apocalypse. La personne qui devient suffisamment sensible, elle entre en contact avec deux choses. Avec l'une des deux choses. Normalement, elle va entrer en contact avec la mémoire planétaire, ce qu'antiquement on appelait les annales akashiques. Elle va entrer en contact avec tout ce qui a été vécu et qui est mémorisé au niveau de l'astral planétaire. Lorsque cette personne entre en contact avec ceci, qu'est-ce que c'est ceci? C'est ce qu'on appelle dans l'antique religion le ciel. Lorsque l'homme entre en contact avec des énergies du ciel, qui peuvent apparaître sous forme, par exemple, d'anges, pour venir dire à la personne telle ou telle chose. La personne, si la personne n'est pas suffisamment sensible, elle devra, pour entrer en contact avec ce ciel ou avec les messagers de ce ciel, qui sont des formes énergétiques qui vont être personnifiées selon la conscience psychologique de la personne, cette personne devra dormir, c'est-à-dire qu'elle devra se déconnecter de son corps physique et alléger son fardeau psychologique. Donc, lors du sommeil, la majorité des prophètes, la majorité des voyants ou des clairvoyants de l'Antiquité avaient ce contact avec des plans divins, donc des plans du ciel, qui sont de l'énergie astrale collective planétaire. Lorsque la personne est réveillée, si elle prend des drogues ou si elle suit, disons, un certain rituel pour se mettre en état d'être en affinité avec ces choses, ce sont des devins. Ce ne sont pas des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité. C'est-à-dire que l'astral, régi par l'intelligence supramentale, ne vient pas communiquer à ces personnes ce qu'ils doivent dire lorsqu'ils doivent le dire. La personne qui se met en état d'être voyant, en état d'être clairvoyant, en état d'être prophète, est une personne qui se fait charrier et une personne qui ne peut instruire les autres que de mensonges pour la simple raison qu'elle ne dit pas ce qui doit être dit, elle dit ce qui passe lorsque elle se met en état. C'est un médium, ça, alors? Ça, c'est un médium. Mais le médium va entrer en contact avec le plan des morts personnifié, tandis que le voyant ou le clairvoyant va entrer en contact avec le plan des morts non personnifié. Le médium parle avec quelqu'un. Le clairvoyant va surtout exprimer des mécanismes non personnifiés habituellement. C'est similaire avec une légère différence. Le prophète prophétise. Prochainement, l'homme, la femme, aura une conscience implacable de l'illusion du temps. Cela veut dire que l'homme et la femme sauront que le temps n'existe pas. Ils le vivront, que le temps n'existe pas. Ils sauront que le passé et que l'avenir n'existe pas. De ce fait, le passé change, vous oubliez des choses et vous en réinventez. Et de ce fait, l'avenir change, on n'arrive jamais à le cerner convenablement. La seule chose qui est réelle et qui est totalement identique entre ce qui est et ce qui est perçu par l'homme pur, c'est la réalité, c'est-à-dire l'illusion du présent. La prophétie, elle est là pour instruire l'homme et la femme ancienne, c'est-à-dire ceux qui vivent d'espoir. Ceux qui n'ont pas l'intelligence de comprendre le pourquoi de l'amélioration. La prophétie, elle est là pour dynamiser l'ego d'une humanité non conscientisante, d'une humanité qui, sans la prophétie, n'avancerait nulle part. Lorsque l'homme ne pense plus à rien d'autre que la dégustation reliée à ses centres physiques, il vit. Il vit l'amour, il vit la faim, il vit la guerre, il vit le plaisir. Cette humanité, cette race est déchéante. Alors, un jour, un homme ou une femme, mais dans l'Antiquité, surtout l'homme, parce que la femme, pendant longtemps, n'avait pas d'âme, supposément, et pendant longtemps, la femme n'était là que pour servir l'homme. Donc, les intelligences ne donnaient pas à une femme le mandat de parler à la population. Ça va changer, parce qu'aujourd'hui, la femme, comme l'homme, sont des êtres évolutifs. Et cela est compris par la majorité, du moins dans les pays industrialisés. Un homme se levait dans cette race déchéante et disait, « Vous faites à votre guise. Et le malheur va tomber sur vous parce que les dieux ou parce que Dieu est en colère. Alors ce prophète venait annoncer des choses qui étaient inhérentes à la tendance de cette société en décadence. Lorsque l'homme, lorsque l'humanité se drogue, lorsque l'humanité boit et se saoule, lorsque l'humanité se reproduit entre frères et sœurs, consanguinement, écologiquement, les cataclysmes s'en viennent. Lorsque l'énergie de l'astral, la mémoire du temps de l'évolution de l'homme, et une mémoire, ce n'est jamais dans le passé, c'est toujours dans le présent. Une mémoire passée, c'est une mémoire oubliée. Dans le présent, on se rappelle du passé. La mémoire est présente. L'astral planétaire, sachant exactement à quel rythme écologique, naturel, les animaux deviennent suffisamment nombreux, alors on pouvait, par l'intermédiaire d'un prophète de malheur, annoncer l'invasion de sauterelles, l'invasion de telle chose, tel genre de maladie. Cela est cyclique. Ce prophète venait foudroyer la société décadente en lui disant qu'elle serait maudite, mais qu'elle avait encore la chance de s'en sortir, d'être sauvée, et pour cela, elle devait suivre des règles écologiques que Dieu ou que les dieux donnaient au prophète pour que celui-ci les donne à l'homme et à la femme. La culpabilité germant dans la société, celle-ci changeait de cadre et commençait à appliquer les lois des dieux ou les lois de Dieu. Si l'homme change et si l'homme accepte de vivre les lois de Dieu ou les lois des dieux, alors automatiquement, la paix sera sur lui. Alors notre prophète prophétise maintenant l'apothéose. L'ego de l'homme, lorsque l'homme n'a pas l'intelligence de s'améliorer, lorsque l'homme ne voit pas l'intelligence de l'amélioration, lorsque l'homme veut s'améliorer que pour fuir la souffrance, lorsque l'homme et la femme veulent évoluer parce qu'ils sont écœurés de ne rien comprendre, lorsque l'homme et la femme veulent évoluer pour se sécuriser, ils n'ont pas compris l'intelligence de l'amélioration. Ils veulent évoluer parce qu'ils fuient. Et fuyant de partout à la fois, le seul chemin vers lequel ils croient pouvoir fuir, c'est le chemin de l'évolution. Ce n'est pas une raison intelligente, c'est une raison d'homme ancien, une raison presque animale. Je vais vers le bien parce que je suis écœuré du mal, mais je ne vais pas vers le bien parce que je comprends l'intelligence d'aller vers le bien. Je cesse de polluer parce que je suis écœuré de me promener avec un masque à gaz. Lorsque l'air sera pur, le masque à gaz disparaîtra et la pollution recommencera parce que l'homme n'a pas compris l'intelligence de l'air pur. Étant donné que l'homme évolue et que la femme évolue pour fuir la souffrance, évoluant, il règle le problème de la souffrance. Réglant le problème de cette souffrance, il cesse leur évolution. Une autre souffrance apparaît et l'homme recommence à fuir vers l'évolution. Lorsque l'homme et la femme comprennent l'intelligence de l'amélioration, ils s'améliorent ou évoluent constamment. Ils ne peuvent plus être attrapés par la souffrance, la peur et tout ce genre de mécanismes qui permettent aux prophètes de pouvoir exister. Lorsque dans l'ego, satisfait, inconscient de l'amélioration et inconscient de sa propre décadence, naît la peur apocalyptique, la peur d'un prophète, la peur d'être maudit, la peur d'aller en enfer, la peur de la destruction, la peur de la mort, la peur d'avoir manqué la seule possibilité de salut, la peur d'avoir manqué son coup. Lorsque cela est instruit dans l'ego d'une humanité évoluante, automatiquement, elle a cette culpabilité qui fait qu'elle remet tout ce qu'elle fait en question. Elle ne pourra vivre longtemps parce que chaque chose qu'elle fait, elle y apportera le doute, elle ne sait pas où s'en aller. Alors, on instaure chez elle automatiquement la prophétie d'apothéose. Instruisant par là même à l'ego l'un des chemins qu'il peut prendre pour s'en sortir. Faites ceci et vous serez récompensé. Faites cela et vous serez puni. Tel est le rôle des prophètes. Lorsque l'homme devient suffisamment intelligent et lorsque la femme devient suffisamment intelligente, elle n'a plus besoin d'apocalypse ou d'apothéose. Deux formes de prophétie majeure. Celle qui instruit de la tendance de l'homme. Celle qui permet l'instauration d'un chemin. Deux formes de prophétie. Lorsque énergétiquement un homme, une femme devient suffisamment sensible à l'évolution d'une collectivité, il peut percevoir la tendance, la probabilité d'accomplissement futur de cette société. Et c'est toujours apocalyptique. Prenons Montréal. Une personne qui a la sensibilité d'entrer en vibration avec tout ce qui est généré au plan montréalais. Il perçoit le viol, le meurtre, le vol, les grèves exploitant les patrons, les grèves exploitant la société, les mécanismes de marasme. Il voit, il perçoit ces énergies et il annonce sur Montréal que Montréal est maudit. Mais les dieux ne maudissent pas Montréal. Les dieux dans le ciel se foutent royalement de savoir si Montréal va s'en sortir ou non. Les dieux dans le ciel ont besoin de l'homme, que l'homme évolue, que l'homme évolue. Ils ont besoin de l'expression humaine. Ils ont besoin de rassembler des fidèles, de façon à ce que les fidèles émettent un flot d'énergie suffisamment puissant pour permettre aux dieux d'être. Petit détour sur ce mécanisme divin. Le dieu, on pourrait nommer plusieurs noms. Prenons un dieu romain. Le dieu Butor. Ça peut faire rire un peu en français. Ce dieu qui avait une tête humaine et un immense corps d'animaux terrifiés, ce dieu dirigeait la Rome, avec évidemment la Louve. Et lorsque on a amené un autre dieu, le dieu chrétien, tous les Romains assujettis au dieu Butor, qui ont daigné douter du dieu Butor, en subissaient le maléfice. Certains étaient foudroyés, certains étaient malades, certains mouraient d'accidents, certains avaient des cauchemars incroyables. Alors ils revenaient au dieu Butor, sachant que la solution, que le salut était entre les pattes, pour dire, vu que c'était un dieu animal, du dieu Butor. Lorsque des millions de Romains priaient ensemble le dieu Butor, ils énergisaient suffisamment ce dieu pour donner une puissance à ce dieu. Lorsque les chrétiens ont donné plus de puissance au dieu chrétien, Yahvé, Jéhovah, ils ont énergisé un égrégore, c'est-à-dire ils ont personnifié une énergie astrale dans le ciel suffisamment puissante pour que maintenant ils puissent protéger ceux qui veulent abandonner le dieu Butor pour venir vers le dieu chrétien. Alors le dieu Butor, cessant d'être énergisé, étant donné que les fidèles changeaient de religion pour aller vers la plus puissante, n'avait plus la faculté de foudroyer, de punir, de faire rêver, il n'avait plus de puissance. Lentement, pour permettre au Dieu chrétien de naître, l'homme a tué le Dieu romain. Aujourd'hui, on assiste aussi à la décadence d'un Dieu dans le ciel. Moins il y aura de fidèles qui se réuniront à l'Église pour prier, moins le Dieu aura de la puissance. Moins le Dieu aura de la puissance, plus ce sera facile à l'homme et à la femme de quitter le joug de ce Dieu, parce qu'ils ne seront plus manipulés par la culpabilité, par le songe, par le rêve, par les autres, parce que le Dieu perd en puissance. Lorsque l'homme cesse d'énergiser quelque chose dans le ciel, il entre en contact avec ce que le Nazaréen appelait la voix des cieux. Il entre en contact avec son propre énergie, qui existe à l'extérieur du ciel, dans ce que le Nazaréen appelait les cieux. Lorsque le prophète entre en contact avec le ciel, il prophétise toujours, toujours des événements tendanciels de l'évolution de l'humanité, événements qui pourront être changés. Lorsque le contact avec des énergies dans les cieux, il instruit le ciel de ce qui sera. Cette prophétie ne pourra être changée. La première prophétie, l'Apocalypse, instruit l'homme d'une façon claire, de mécanismes dangereux. La prophétie d'Apothéose n'instruit jamais l'homme de façon claire, parce qu'elle ne s'adresse pas à l'homme. Elle s'adresse au ciel, et elle doit, pour être en contact avec les énergies du ciel, être prononcée par le Verbe, c'est-à-dire par la parole, de façon à être mémorisée dans le ciel, dans l'astral planétaire, au même titre que tout ce que l'homme fait, que tout ce qui est fait. Le rôle de la prophétie apocalyptique est celui d'instaurer le doute dans la confiance que l'ego de l'homme a envers lui. L'Apocalypse instaure le doute chez l'homme. Il instaure donc la peur, il instaure un mécanisme qui pousse l'homme, qui pousse la femme devant, vers l'évolution, vers l'amélioration. L'évolution, c'est l'augmentation en énergie. C'est l'augmentation de la faculté qu'aura l'homme d'entrer en contact avec un savoir instantané, avec ce que nous appelons ici au Québec l'énergie supramentale. Cette énergie n'instruira pas la conscience de l'homme. Cette énergie est suffisamment intelligente, orchestrée, harmonisée, pour ne pas se refléter dans la conscience psychologique de l'homme. Cela veut dire que celui qui se conscientise n'aura pas nécessairement les réponses à ses questions. Par contre, ces questions disparaîtront. Ce qui est totalement différent de l'évolution psychologique de l'âme, de l'évolution psychologique de l'ego, qui cherche à avoir une réponse avec laquelle il pourra jouer. Une réponse qui pourra le faire jouir. Une réponse qui pourra le rassurer. L'énergie supramentale ne rassure pas, elle transforme. L'évolution par le biais du ciel rassure, donne de l'espoir, élimine la peur, mais ne règle pas le problème. Le prophète a un rôle important. Le premier, instaurer le doute. Le deuxième prophète, instruire la psychologie collective de l'homme qu'une chose impossible dans la conscience de l'homme va venir, sera possible. Est-ce que la paix sur la terre est possible? Tous diront non. Alors on a besoin d'un prophète qui viendra dire que la paix sera, qu'un grand monarque viendra et qu'il instaurera la paix à l'échelle de la planète et que tous en entendront parler. Oui, parce que si on ne dit pas à l'homme que la paix peut venir, l'homme ne se dirigera jamais vers la paix, parce que l'homme n'y croit pas. Par contre, l'homme se sentant bien où il est, on doit le maudire pour le réveiller. Alors on dit à l'homme, ta puissance industrielle est belle, mais Dieu t'a déjà maudit. Alors l'homme doute. Les bases psychologiques, spirituelles, sécurisantes de l'homme vacillent. Et l'homme se demande, que dois-je faire? Quelle que soit la réponse, automatiquement l'homme fait. Le rôle des prophètes, le rôle de la prophétie est de deux ordres. Instruire l'homme de son penchant. Présentement, l'instruction du penchant de l'homme est la guerre mondiale, la guerre nucléaire, l'apocalypse. Ce qui sera, guerre ou pas guerre, est prophétisé par ceux qui sont en relation vibratoire, colorée par l'astral, avec les plans énergétiques supramentales, c'est-à-dire ce sont les prophètes de l'apothéose, ceux qui vont dire « Foutez-vous de la guerre, foutez-vous de l'apocalypse. Ceux qui voudront la vivre se feront bien le luxe de la vivre. Ça ne regarde pas toute l'humanité. Celui qui tend à s'améliorer, celui qui conçoit l'intelligence de l'amélioration, celui qui comprend l'intelligence de l'écologie sociale, celui qui comprend l'intelligence, celui-là vivra la paix. Et pour parfaire l'ego, celui-là sera celui qui recueillera les survivants de l'Apocalypse pour les diriger vers la paix. La prophétie, elle brasse l'homme pour le pousser en avant, et la deuxième prophétie prépare l'homme à vivre. Je dis souvent que l'homme un jour sera heureux, qu'il le veuille ou non. Et c'est ce que la prophétie d'Apothéose vient donner. Lorsque moi je dis qu'un jour, au Québec, l'intelligence dominera, que l'homme, que la femme seront capables de s'aimer sans entrave, sans lien. Alors on me dit, ben voyons donc, ça n'arrivera jamais ça. Regarde aujourd'hui, ouvre-toi les yeux, ça ne se peut pas. Je ne dis pas que ça se fait, je dis que ça va se faire. Mais l'homme, la femme ne veulent pas que ça se fasse. Au nom du fait que présentement ça ne se fait pas, ça c'est l'orgueil. Ça ne peut pas se faire. Étant donné que je suis parfait et que je ne le fais pas, je serai parfait dans 10 ans et je ne le ferai pas plus. Ça, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Alors, lorsque je dis que l'homme le fera, c'est un peu une prophétie d'apothéose. Qu'est-ce que je fais? Je sème, je prépare un chemin. Je dis à l'humanité que telle chose est possible. Alors, lentement, pour fuir l'apocalypse, l'homme acceptera la paix. Autrement dit, l'apocalypse, c'est le bâton. L'apothéose, c'est la carotte. Mais les âmes, dans les deux cas, c'est nous autres. Exactement. L'énergie supramentale, c'est le bonhomme qui tient le bâton. Le bâton frappe la tête de l'âne, il tient la carotte en avant. L'âne a peur du bâton, il se dirige vers la carotte. Et au fur et à mesure que l'âne recherche la carotte, il ne peut pas la trouver. Parce qu'il voit toujours la carotte plus loin. Mais il avance. Dans ce qui est des cataclysmes, des fléaux, de ce que l'on appelle généralement la vengeance divine, là, est-ce que ces cataclysmes-là sont bien d'origine divine ou est-ce que ce n'est pas simplement une loi de cause à effet où le résultat des actes de l'homme, en fait, il récolte ce qu'il a semé? Quand tu parlais des éléments qui se déchaînent, etc. Bon, premièrement, ça n'a aucune cause divine dans le sens où on parle d'être intelligent. D'ailleurs, il n'y a pas d'être intelligent, il y a des énergies intelligentes, mais ce ne sont pas personnifiées, limitées dans une forme d'être humain ou d'apparence particulière. Il n'y a rien d'intelligent qui orchestre convenablement l'apocalypse, qu'il soit planétaire, c'est-à-dire qu'il soit marémoteur, qu'il soit terrestre, qu'il soit d'épidémie, ou etc. Par contre, ces énergies divines reliées au plan du ciel, donc de l'astral planétaire, ce que l'homme a créé, les dieux qui ont été créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme, ces dieux vont être capables effectivement de jouer un rôle dans l'apocalypse, comme ils pourront aussi jouer un rôle dans l'apothéose. Maintenant, il ne faut pas comprendre qu'un dieu maudisse l'homme. L'homme se maudit lui-même et cela lui suffit. Chaque fois que l'homme s'arrange pour pouvoir exprimer quelque chose, je disais dernièrement que l'homme, pour clarifier, parce que longtemps on a dit que l'homme aimait souffrir, plus clairement, l'homme aime quelque chose. Et cette chose lui amène la souffrance. Alors l'homme n'aime pas souffrir, mais l'homme aime tout ce qui le fait souffrir. Alors automatiquement, si on parle de loi d'action-réaction, tout ce que l'homme attire à lui tient avec la souffrance. Vous aimez quelque chose et cette chose est énergisée par la souffrance. Ce qui fait que lorsque l'homme aime, l'homme automatiquement souffre. La loi de cause et d'effet n'est pas régie par une intelligence qui est là à surveiller avec une loupe, à prendre des notes et à rétribuer. Lorsque l'homme pollue, il s'empoisonne. Lorsque l'homme oublie d'instruire toutes les couches de la société, il crée des handicaps sociaux, il crée des empoisonneurs de médicaments. Il crée des meurtriers, il crée des violeurs, il crée des enleveurs, il crée des voleurs, il crée des protestants, il crée des personnes qui vont bénéficier de tout ce que la société donne sans jamais rien donner. Il crée des contextes qui font que lentement, il se maudit lui-même. Alors, il n'y a pas de vengeance divine. Lorsque dans l'antique religion, on dit que le Christ va revenir, le Christ, faut bien comprendre que c'est l'énergie christique qui un jour a habité Joshua ben Joseph, Jésus, et cette énergie, qui est l'énergie supramentale, va revenir d'une façon massive dans un temps relativement proche, et c'est ce retour du Christ. Mais il ne reviendra pas avec un bonhomme, ce ne sera pas un bonhomme qui va revenir parce qu'on va le mettre en prison tout de suite. Bon, alors, il faut comprendre qu'on n'a pas de punition infligée par un dieu particulier, c'est l'homme lui-même qui se manipule lui-même. J'ai déjà dit que l'homme était manipulé, mais le comble du désastre, c'est qu'il n'y a pas de manipulateur. Alors c'est un peu ce qui va aussi amener l'homme vers l'apocalypse. C'est-à-dire que la peur de la guerre crée la guerre. Mais est-ce que la guerre était là? Non. Alors, un peuple a peur de l'autre peuple, ce peuple a peur de l'autre peuple. Le plus pissou va lancer la guerre. Parce que l'homme détruit ce qui lui fait peur. Tu t'en vas en automobile et soudain, il y a un ton qui rentre dans ton auto. Alors là, tu commences à virer fou. Le ton est bien calme. Le ton essaie de sortir. Mais toi, tu stationnes, tu sors ton journal, ton manteau, n'importe quoi. Puis là, fort, t'écrases le ton. Et là, pfiou, maudit ton. Mais le ton n'avait rien fait. Le ton passait par là et il a été pris dans un mécanisme évolutif qui est ton automobile, il avançait. Et toi, tu as eu peur du ton. Si le ton t'attaque, c'est qu'il connaît l'homme. Il a peur de l'homme. Automatiquement, une guerre apparaît entre les deux. Deux tons rentrent dans ton auto, t'en tues un. Surveille l'autre. Pourquoi? Parce que tu as peur de quelque chose qui n'existera jamais. Et tu le crées. Alors, si de deux grandes nations une guerre éclate, c'est que les deux ont peur. Si on regarde en Allemagne, où on a une ligne, d'un côté on a les forces soviétiques, de l'autre côté on a les forces de l'OTAN. Les deux sont placés canon à canon, les deux se surveillent en hélicoptère de toutes les façons, et les deux sont là et se disent, sont tellement proches que c'est pour attaquer. Eux autres disent, on se met proche là parce que lorsque vous allez traverser, on veut pas être 50 000 en arrière, venez vous arrêter. C'est vous qui êtes proche et c'est vous qui allez attaquer. Mais eux autres disent la même chose. Et le gros handicap de l'humanité qui a une tendance apocalyptique, c'est que les deux sont convaincus que l'autre veut attaquer. Alors, automatiquement, la guerre va éclater. Même si les deux sont pacifiques. Alors, vous allez dire, oui, mais si les deux sont pacifiques, qu'un des deux décide de sauter et l'autre va s'en aller, c'est vrai. Et que c'est donc vrai. Mais le problème, c'est que si lui se dit, si je m'en vais, eux autres, ils vont rentrer et ils vont tout balayer. Donc, je reste. Et l'autre se dit, si je m'en vais, eux autres, ils vont rentrer, ils vont tout balayer. Donc, je reste. Va-t'en, je m'en vais. Va-t'en, je m'en vais. On reste. La même chose au niveau des armements atomiques. Et du... C'est le même phénomène. L'équilibre par la terreur. On équilibre pourquoi? Parce qu'ils n'attaqueront pas, parce qu'on va être détruit. C'est évident que si un jour il y a une guerre, à l'instant où elle sera commencée, elle sera finie. Einstein avait dit, je ne sais pas avec quoi les hommes font la Troisième Guerre mondiale, mais la Quatrième, je sais avec quoi. Elle sera faite avec des bâtons et des roches. C'est un prophète. Est-ce que c'est nécessaire que ça l'arrive? Non. Est-ce que c'est nécessaire que ça n'arrive pas? Non. Tout dépend de l'homme. Mais est-ce que moi, je vais vivre cet apocalypse? Non. Elle ne me regarde pas. Donc, je ne la regarde pas. Mais étant donné que l'homme collectif est régi par le prophète, il est régi par la tendance à aller vers l'avenir, on regarde, par exemple, l'homme transitif, la femme transitive, l'homme nouveau, la femme nouvelle, certes, on en connaît certains, l'avenir. L'avenir, il ne s'en fout pas, l'avenir, il l'envisage. Mais l'homme ancien et la femme ancienne n'envisagent pas l'avenir, ils la craignent. Ce qui est totalement différent. Tu peux mettre de l'argent de côté pour ton avenir, mais pas pour te sécuriser face à ton avenir. C'est parce que tu as un projet. Et si ça n'aboutit pas, tu t'en fous. Tandis que l'homme ancien, lui, crée l'espoir du projet pour essayer de se rassurer au niveau de son avenir. Ce qui est totalement débile. Tu places de l'argent en banque, et cet argent-là, ce sont les journées de ta vie. Parce que tu travailles comme un défoncé pour mettre de l'argent en banque pour plus tard. Et 45 ans après, l'argent que tu as mis en banque, ça a été les 45 ans de ta vie. Tu viens pour aller en banque, tu ramasses du papier, mais tu n'as plus ta vie. Alors, on ne peut pas mettre du temps en banque. Qu'on le place au niveau monétaire non plus. L'argent, c'est une énergie. Il faut que ça circule. Elle sert instantanément, immédiatement. On en accumule un peu pour des projets futurs, c'est-à-dire qu'on prend... L'argent, c'est un ressort. Alors, lorsqu'on met de l'argent en banque, on tend le ressort. Mais il ne faut pas qu'on soit rendu suffisamment fait pour que le ressort nous décapite lorsqu'il va partir. Ça va servir rien qu'à notre enterrement. Le ressort, on le place, à un moment donné, il nous permet de se lancer plus haut. On fait un projet, on se lance dans quelque chose. L'homme qui ne vit que d'idées apocalyptiques, on a des films, regardez les films de guerre qu'on a. On a soit ceux du passé, soit ceux au niveau galactique, donc ceux qui ne sont jamais arrivés, et ceux de l'avenir. On n'a pas à un point tel de notre avenir qu'on ne veut même plus en parler. Et lorsque moi je parle d'un avenir plus pacifique, on me prend pour un imbécile. Soit parce que c'est évident que l'humanité s'en va vers un apocalypse, soit parce que présentement on ne le fait pas, donc on ne le fera jamais. Ce qui est complètement stupide en soi. Avant, on ne volait pas, maintenant on vole. Bon, alors aujourd'hui, je ne le fais pas, un jour, je le ferai. Si un jour, je ne le fais pas, ça change quoi? Le temps qu'on aura mis à s'améliorer, on fera quelque chose. Le temps qu'on est là à attendre que les autres viennent s'occuper de notre sort par un apocalypse, on n'empêche rien. Celui qui milite pour la paix milite pour la guerre, parce qu'il est régi par l'apocalypse. Et celui qui oublie tout, milite pour l'apocalypse aussi, pour la guerre, parce qu'il est aussi régi par l'Apocalypse. Celui qui comprend l'intelligence de l'amélioration se fout de la guerre, se fout de la paix. Il s'améliore. Bon, comme si on prend le point de vue des sectes millénaristes, là, ou des sectes, ce qu'on appelle eschatologiques, là, qui parlent ou qui prêchent continuellement ou qui annoncent la fin du monde, tels les témoins de Jéhovah, et puis de nombreux autres encore, est-ce que cette façon de continuellement annoncer la fin du monde, c'est pas une façon, en fait, de l'attirer, de la provoquer? Maintenant, quel est ton concept de toi, à toi, de fin du monde? Est-ce que ça peut exister, une fin du monde? Non, on peut parler de la fin du monde, puis on parler de mon concept, c'est compliqué, il faudrait que je m'en crée un. Puis après ça, je pourrais t'en parler, après ça, je pourrais le démolir, m'en faire un autre, t'en reparler. Je peux parler des concepts de la fin du monde de tout le monde, mais du mien, difficilement. Bon, alors prenons-le autrement. Ceux qui sont pessimistes vont parler de destruction, et ceux qui sont optimistes de régénération. C'est évident qu'on s'en va vers la fin d'un monde. Ça va de soi. On a déjà vécu plusieurs fins de monde et on s'en va encore une fois vers la fin d'un monde. Donc c'est une régénération, c'est pas une destruction dans ce sens. À toute fin, aube nouvelle recommence, avait dit Michel. C'est vrai. C'est-à-dire que l'homme ancien meurt. L'homme ancien meurt lentement. C'est-à-dire que dans l'homme ancien naît l'homme nouveau. Dans la femme ancienne naît la femme nouvelle. Dans l'enfant ancien naît l'enfant nouveau. Est-ce qu'il y aura une apocalypse? Oui. Il y aura une apocalypse et l'apocalypse est déjà commencé. Il est commencé psychologiquement dans tous ceux qui en ont peur et qui n'en vivent plus. Il est commencé psychologiquement dans ceux qui sont en transmutation vers l'homme nouveau. Ceux qui se sentent mal. Ceux qui se sentent obligés d'aller fêter la Saint-Valentin, par exemple, avec quand ça ne vibre plus du tout. Ceux qui vont fêter Noël et qui sortent de là épuisés et qui sentent qu'ils maudiraient tout. Ceux-là vivent un apocalypse. Mais un apocalypse tellement doux, parce qu'il est avant terme. C'est-à-dire que de l'homme ancien qui meurt, naît l'homme nouveau. De l'humain ancien qui meurt, naît l'humain nouveau. Et tous ceux qui vont se refuser à naître d'une façon nouvelle, dans une conscience nouvelle, une conscience individuelle, où ils pourront se prendre en main, ces personnes devront aussi mourir. C'est-à-dire que, veut pas, vers le temps qui s'en vient, l'homme, la femme ancienne et l'enfant ancien vont disparaître pour laisser la place à l'homme, à la femme et à l'enfant nouveau. De ton vivant, tu peux te tuer et te mettre au monde. Et ça, c'est le processus même de la transmutation énergétique. C'est ce que la majorité des personnes ont commencé à faire. Mais ils peuvent dire, oui, mais j'en ai pas conscience. Tout à fait normal, la transmutation supramentale n'est pas quelque chose qui se vit par la conscience. Lorsque cela est fait, pour vous donner un coup de pouce, vous allez avoir des réponses conscientisées pour instruire vos égos, de façon à ce que ceux-ci vous laissent aller. Mais pas plus. L'ego ne jouira pas de la mutation supramentale. Vous allez vous libérer de vos problèmes. Vous allez vous libérer de vos maladies. Vous allez vous libérer de vos fatigues. Mais l'ego ne le saura pas. Alors cet apocalypse, il est commencé, c'est-à-dire la fin des mondes est commencée. Et de quelle façon l'homme, la femme et l'enfant nouveau à l'échelle planétaire, vont-ils être capables de sortir un matin de chez eux et de ne pas avoir ce qui s'en vient? C'est-à-dire que présentement, l'homme et la femme et l'enfant nouveau doivent automatiquement, et ça vient frapper l'ego pacifique de l'homme ancien, l'être nouveau sera un combattant. C'est-à-dire qu'il sera un bon homme, une bonne femme et un enfant qui saura se battre. L'homme nouveau, la femme nouvelle, c'est un combattant à nouveau. C'est un combattant. Pourquoi? Parce que à travers l'homme ancien, qui va refuser la naissance de l'homme nouveau, chez lui comme à l'extérieur, parce qu'il faut bien comprendre que si chez vous quelque chose tend à vouloir monter, vous luttez, parce que ça fait peur à l'ego. Mais lorsque vous voyez apparaître dans vos enfants ou à l'extérieur, l'homme ancien a ceci de réel, c'est qu'il ne peut pas voir un miroir dans lequel il se voit. Alors, il détruit le miroir. Donc, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, les enfants nouveaux pourront en parler longuement de quelle façon ils se font détruire par la collectivité ancienne. L'homme, la femme, l'enfant nouveau sera un combattant. Mais il doit arriver un jour où l'enfant, l'homme, la femme sortant à l'extérieur n'a pas besoin de se servir de son énergie de façon à diagnostiquer l'entourage pour pouvoir se préserver, préserver son intégralité corporelle. Présentement, tu sors, tu te fais attaquer, tu dois régler le problème. Et ça, c'est de la non-violence. L'homme nouveau, l'enfant nouveau, la femme nouvelle sont des êtres non-violents. La non-violence, c'est l'économie d'énergie. Je te lance un verre d'eau, tu te lèves, tu me tapes dessus, t'es violent. Parce que tu gaspilles plus d'énergie à te lever et à venir me frapper qu'à t'essuyer. Je te lance le verre au complet, je t'en lance en deuxième, je te lance la table, je te lance la chaise, je te tape avec le micro, t'es un imbécile. C'est-à-dire que t'es violent. Pourquoi? Parce que ça va me prendre plus d'énergie à te restaurer que ça en aurait pris à m'assommer. Donc, t'es un violent. La non-violence, c'est l'écologie. C'est-à-dire l'économie d'énergie. Tu te promènes quelque part, un bonhomme veut t'attaquer, tu l'assommes, il tombe à terre, c'est parfait, c'est réglé. Le bonhomme vient pour t'attaquer, tu jases avec, tu le convaincs, c'est une économie d'énergie. Et il y a une technique particulière, l'homme, la femme, l'enfant vont apprendre à être des combattants. Combattre ne veut pas dire qu'avec l'homme, mais ça veut dire aussi avec l'homme. Ça veut dire que lorsque tu as une tempête de neige et que tu es mal pris, tu peux combattre, tu survis. Ton char est pris dans la neige, tu es capable de t'en sortir, c'est une lutte. Il y a un orage, il y a une panne de courant, il y a n'importe quoi. L'homme ancien est un être qui a perdu l'idée même du combat pour la survie. Il s'en remet à l'extérieur. C'est l'apanage de la collectivité. Ne fais rien. Si un jour tu meurs, on te mouchera. Si quelqu'un t'attaque, crie fort, on te vend un petit cornet, puis là, la police vient t'aider. Ou bien non, elle vient te ramasser, un ou l'autre. Bon. Tu n'as pas besoin. Alors, on va dire, les femmes, venez, on va vous montrer 3-4 coups cochons qui vont éliminer les agresseurs immédiatement. Mais la femme, psychologiquement, n'est pas une combattante. Alors, une personne approche, « Bonjour, madame, j'aimerais savoir quelle rue, paf! » Parce qu'elle pensait qu'elle se faisait attaquer, le gars voulait savoir quelle rue prendre pour aller gagner l'autoroute métropolitaine. Bon. On en arrive à un stress, à une schizophrénie collective, où on bannit complètement le combat au nom de la paix, parce qu'on est tellement devenu violent. L'homme qui a peur, on revient. L'homme, la femme qui a peur est un être violent. Le combattant n'a pas peur. Il ne peut plus être violent. Le ton rentre chez vous, t'ouvres la fenêtre, t'attends qu'il sorte. T'es pas violent. Pourquoi? Parce que tu sais comment t'en débarrasser. Tu te promènes dans la rue, tu es non-violent. Énergétiquement, tu es en paix avec toi-même parce que tu sais que si quelqu'un t'agresse, que si quelque chose tombe d'un édifice, n'importe quoi, toi, tu vas être en vie après. Mais tu as pratiqué, tu as entraîné chez toi, tu as instruit, pratiqué ton ego de cette survie. De cette confiance en la vie, ce que l'homme n'a plus. L'homme a confiance en les autres, que les autres doivent venir lui sauver la vie. Et ça, c'est une absurdité encore collective. Alors, lorsque l'homme nouveau, lorsque l'enfant nouveau, lorsque la femme nouvelle vont naître à l'intérieur des êtres anciens, ils vont être capables de vivre. Ils ne partiront pas. Prenons l'exemple. J'ai rencontré, à un moment donné, à Racine, près de Valcourt, des personnages qui se fuyaient à Schefferville. Parce qu'en 84, la guerre nucléaire commençait, et vu que Schefferville était une ville fantôme ou presque, on l'abandonnait, les maisons pouvaient en ramasser, on pouvait les acheter pour pas cher. Je sais pas si vous savez où ce que c'est Schefferville, mais on peut chasser l'ours polaire dans ces coins-là. Bon. Mais plus souvent qu'autrement, on est chassé par l'ours polaire. Bon. Alors, eux s'en allaient là, avec leurs enfants, tout ça, et ils voulaient cultiver. Alors, ils ont quelques semaines par année pour cultiver. Encore, quand le climat est bon. Ils sont partis dans une région très nordiques où ils n'ont rien. Alors, ils ont des manteaux de fourrure, ils ont des haches, ils vont vivre un peu comme les anciens colons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ils vont se dégrader. Tandis que s'ils seraient partis avec une haute technologie, dans une latitude adéquate, oh, l'apocalypse ne les aurait pas touchés autant. Surtout pas celle de 84, d'ailleurs. Et de temps en temps, je me plais à penser à ces mecs. Combien d'enfants sont morts? Combien d'adultes et de femmes sont morts? Oh, les enfants, ben, ça peut être des avortements, ça peut être des fausses couches, ça peut être aussi des accidents. C'est froid là-bas. Ils n'ont plus rien. Ils savent plus. J'ai un de mes jeunes, à un moment donné, qui m'avait dit ça, il avait rêvé à ça, lui. C'est qu'on avait beaucoup d'hommes anciens, de femmes anciennes, d'enfants anciens, qui fuyaient dans le bois parce qu'on avait entendu parler que la guerre mondiale commençait à aux nouvelles. Alors, ils se sauvent, le pelle, le pioche, le sac, le temple. Et le malheur, évidemment, c'est que l'apocalypse va recommencer en plein hiver. Vous savez bien que ça ne commencera pas en plein été. Bon, évidemment, c'est plus compliqué de sacrer son camp l'hiver, de vivre l'hiver, fait froid, on n'a rien à manger. Ça commence l'hiver, ça commence pas l'été. Bon, alors, ils étaient partis. Ils ont réussi, la majorité, la moitié sont morts. L'autre moitié a réussi à survivre pendant 15 ans dans le bois. Et un jour, ils se sont dit, mon jeune avait quoi, 12 ou 13 ans quand il rêvait ça? Un jour, ils se sont dit, on va sortir pour voir maintenant si on peut, dans les décombres de l'ancienne civilisation, recommencer à recréer. Alors, ils sont sortis du bois pour découvrir que la guerre n'avait jamais eu lieu et que la paix avait été instaurée 2 mois après leur fuite et que tout allait bien, tout était impeccable. Que la science avait avancé, que tout allait à merveille. Ça prend généralement un prophète pour emmener du monde comme ça. Oui, exactement. Et ces prophètes, il va en avoir plein. Quand on parle des prophètes qui vont venir, ce sont tous des prophètes, non pas d'apothéose, d'apocalypse. Lorsqu'un prophète vient et qu'il annonce l'apocalypse, il est régi par les plans astraux, c'est-à-dire par les plans de notre astral planétaire, par le plan collectif. Lorsqu'un être vient et dit « Ne faites plus rien, soyez-vous, Dieu va venir vous sauver. » Ou encore « Mick Machin Chouette qui va venir dans sa soucoupe volante va venir vous sauver. » C'est aussi un prophète de malheur. Parce que l'homme qui reste assis là où une bombe explose, il reste assis puis il reste là longtemps. Bon, celui qui se sauve inutilement, il ne sait pas où aller non plus. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui font que l'homme a tellement peur qu'il peut cristalliser dans l'avenir ce genre de choses. Mais ça, c'est pas grave. Parce que de toute façon, que l'homme le veuille ou non, il sera heureux. Pour que l'homme soit heureux, l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien doivent disparaître. Cela veut-il dire qu'ils doivent mourir par une guerre? Non. Ils doivent se mettre au monde eux-mêmes de leur vivant. La prophétie vient dire ceci. Elle vient dire, regardez, vous allez vous mettre au monde après vous être entretués. C'est la tendance de l'humanité, où elle pourra, par la souffrance impeccable, apprendre la paix. Et on a une autre prophétie qui dit « les élus », c'est-à-dire que d'autres personnes vivront la paix. Et c'est à l'homme de choisir entre l'apocalypse ou entre la paix. Mais cette paix, elle ne peut pas être générée par le contexte psychologique. Cette paix, elle ne peut être générée que par l'intelligence de la paix. Prenons l'exemple. On va y revenir lors de la deuxième partie de toute façon, mais posez-vous cette question avant de m'en poser par écrit. Pourquoi devrions-nous vivre en paix? Y a-t-il une seule raison intelligente d'instaurer la paix à l'échelle de la planète? Parce qu'on veut la paix, parce qu'on a peur de la guerre. Mais ce n'est pas une raison. C'est réellement pas une raison. Quand on est en paix, on s'ennuie de suite. Trouvons une raison intelligente de vivre en paix. Et ce sera déjà un pas de fait. Mais même si le reste de l'humanité s'entre-déchire, ça n'empêchera pas une humanité, une petite humanité, de ne pas avoir à souffrir cet apocalypse. Chose qui est certaine, c'est que l'homme ancien va disparaître et l'homme nouveau va apparaître partout sur la planète. Et l'homme nouveau ne sera jamais le véhicule pour éliminer l'homme ancien. L'homme ancien va s'en charger lui-même. Parce que l'homme nouveau ne peut pas prendre un homme ancien et en faire un homme nouveau. Il peut parler, c'est tout. L'homme ancien peut s'auto-mettre au monde. C'est-à-dire que l'homme ancien peut se tuer, mourir, pour que naisse l'homme nouveau. Et il le fera de n'importe quelle manière. Alors, une première question ici. Peut-on avoir un exemple d'une grande prophétie de Nostradamus qui s'est réalisée et aussi une grande prophétie qui ne serait pas arrivée encore? Disons que la grande prophétie qui n'est pas arrivée, je n'en parle pas parce que ça pourrait dynamiser le fait qu'elle peut arriver, étant donné que Nostradamus a surtout prophétisé au niveau de l'Apocalypse, quoi qu'il parle après de l'âge d'or, et une grande prophétie qui s'est réalisée, comme je disais tout à l'heure, la majorité des prophéties données par les prophètes de l'Apocalypse sont des prophéties extensives. C'est-à-dire qu'on connaît la justesse de la prophétie après qu'elle se soit réalisée. Alors, ce qui fait que ça ne vaut pas la peine, à part, évidemment, une prophétie qui est vérifiable au niveau même de l'endroit où a vécu Michel de Notre-Dame, c'est celle de la découverte de la plaque dans sa tombe. Bon, mais parler des autres prophéties, ça ne vaut pas la peine, parce que de toute manière, les prophéties étant imparfaites, extensives, on peut facilement ajuster un événement au dire d'un prophète. Alors, je pourrais en citer plusieurs et ça ne voudrait rien dire non plus. Fait que ce n'est pas intéressant. On parle, surtout, disons, ce qui est intéressant, c'est le rôle que tient la prophétie, le prophète, dans le coup de pied dans le derrière donné à l'homme. As-tu remarqué que dans les prophéties, il y a les prophéties qui sont exactes au niveau chronologique, dans le temps, et qui sont fausses dans l'espace ou dans le lieu? Et vice-versa. Comment ça se fait qu'elles ne sont jamais exactes à 100%? Parce qu'elles ne peuvent pas être exactes. Ce sont des prophéties qui donnent la tendance de l'homme, donc cela peut changer n'importe quand. Et lorsque une personne prévoit quelque chose, par exemple, dans un lieu de l'Europe, il l'a prévu pour l'Europe. C'est une tendance innée de la société à accomplir ce genre de fait. Mais il se peut aussi qu'en Amérique, on ait la même tendance à accomplir le même fait. Mais vu qu'on le fait avant, alors on pense que c'est ce qu'il a prévu lui, mais il s'est trompé. Si c'est exact au niveau de la date, c'est qu'on a aussi des mécanismes de coloration astrale qui font que la personne entrevoit différents phénomènes dans différents temps et qu'elle les fusionne pour en faire une prophétie qui va être datée et qui peut s'adonner à être vraie dans une partie et fausse dans l'autre. C'est pourquoi une prophétie ne peut pas être datée parce qu'elle n'annonce jamais quelque chose d'authentique, l'avenir n'existant pas. Alors, ceux qui datent se trompent souvent, et lorsqu'ils ne se trompent pas parce qu'ils ont vu juste, il faut aussi voir là la cristallisation par la société de la prophétie, ou encore un événement presque évident. Si on dit une guerre mondiale va commencer en 1986, ce qui est annoncé par beaucoup de prophètes, on peut voir qu'à un moment donné, dans l'interprétation de la prophétie, on va voir en 86, un dérèglement massif au niveau de tous les mécanismes pétroliers arabes. Alors, on va dire, 2 ans après, s'il y aurait une guerre, par exemple, en 89, on va dire, oui, ça a commencé en 86, c'est la cause, donc, un tel avait raison. Un autre va dire, c'est en 99. Mais on va peut-être avoir une guerre mondiale en 89, en 86, en 95, et on peut en avoir une autre, plus monstrueuse, en 99. Alors on va dire, il avait raison. Et on peut dire aussi, la guerre de 99 n'a jamais eu lieu, donc il a eu tort. Mais il a eu tort, faut s'entendre, parce qu'un homme un peu plus sage va dire, il a averti l'humanité que si elle poursuivait dans sa tendance, il y aurait ceci. Parce qu'il l'a averti, il a permis à l'humanité de l'éviter. Il faut bien comprendre que, quelle que soit la prophétie, elle n'est pas la cristallisation de l'avenir. De ce fait, individuellement, elle n'a aucune valeur. La prophétie n'a de valeur que collectivement, mais elle n'a aucune valeur individuellement. Alors, ça ne sert à rien d'étudier la prophétie, parce que la prophétie parle de l'évolution d'une masse. Tu regardes, on parle d'Apocalypse. Mais comment qu'on va faire pour s'en sortir? On pense collectivement comment on. Et si la personne dit comment je vais faire pour m'en sortir, elle a automatiquement un paquet de solutions qui peuvent se présenter à elle. Mais comment on, elle n'aura jamais de solution. La prophétie regarde la collectivité, donc elle ne regarde pas l'être nouveau, parce que celui-ci est individuel. Qu'est-ce qui fait qu'un prophète annonce une date et un lieu, un événement? Il a raison pour la date et l'événement, mais il n'a pas raison pour le lieu. C'est simplement parce qu'il est coloré par l'évolution de l'homme. Il voit quelque chose parce que c'est une tendance innée à l'évolution. Mais différents événements qui n'ont pas été perçus par le prophète parce qu'ils n'étaient pas prévisibles, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas inscrits au niveau des plans astraux, ont fait que les choses ont évolué différemment au niveau de la géographie planétaire. Et à un moment donné, on a donc la naissance de telle personne dans tel lieu, mais pas à la bonne date, ou la naissance à la bonne date de la bonne personne dans un lieu différent, parce qu'on n'avait pas envisagé telle guerre qui ferait que les parents s'enfuiraient. On n'a jamais eu de prophétie à 100% exacte dans la réalité. Une fois qu'elle est faite, on peut ajuster notre réalité à l'interprétation qu'on a de la prophétie pour la rendre exacte. Prenons encore les prophéties des papes. Alors, on va voir qu'on a des relations qui s'approchent. Mais à partir de certains faits, on date les autres faits. Jean-Paul II, le prochain pape sera étranger à l'Italie. Il portera le nom de son prédécesseur. Et je crois que son nom commencera par V. Bon. Quand est-ce cette prophétie doit-elle se réaliser? Alors, on va dire il avait raison. Et à partir de cette raison, on essaie de dater les autres. Et là, on ajuste. Et soudain, on arrive quelque part où on avait aussi raison, mais là, il y a un reflux. Alors, on essaie de comprendre, on replace différemment. Ça, c'est l'apanage. Prenons le Nazaréen. Dans les prophètes antérieurs au Nazaréen, on avait ceux qui venaient maudire l'humanité et on avait ceux qui venaient instruire, préparer le chemin. Alors, on a souvent dans la Bible, et un tel, le Nazaréen entre autres, dit ceci ou fit cela pour que s'accomplisse la prophétie. C'est-à-dire qu'il s'est servi. Alors, je vais vous révéler quelque chose. On le comprend comme on veut bien le comprendre. Une prophétie donnée par l'intelligence supramentale est toujours placée en vue d'instruire la collectivité de quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'on envoie des prophètes préparer un chemin. C'est ça, instruire. Préparer un chemin veut dire créer une condition humaine collective permettant à une intelligence, n'importe quand, de se servir de la prophétie pour s'en protéger. Cela veut dire que tout le temps, on annonce un sauveur, on annonce le retour du Christ, on annonce la venue d'un Messie. On annonce l'avènement de Dieu. On annonce l'avènement de la paix. On annonce plusieurs choses. Et lorsqu'à un moment donné, un bonhomme vient au monde, ce bonhomme-là, il va être suffisamment intelligent, surtout s'il entre en contact avec l'énergie christique, donc l'énergie supramentale, et il devient le premier fils de Dieu conscient. Le fils unique, c'est le seul, il est conscient. Après, il va devenir le père. Et lui-même, il va observer la tradition et tout ce que les prophètes ont donné. Et il va s'enligner dans la prophétie parce que là, il y a un chemin facile. Alors, continuellement, il va faire tel geste afin que s'accomplisse la prophétie, c'est-à-dire afin que le peuple reconnaisse dans le bonhomme celui que la prophétie avait annoncé. Lorsqu'on va annoncer, on parle de la Jérusalem céleste. Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un va vouloir se servir de cette prophétie par l'intelligence, il pourra facilement instaurer quelque chose sur la terre qui sera accepté par l'humanité parce qu'on l'a prophétisé pendant des millénaires. Lorsque lorsqu'une personne va, prenons Adolf Hitler, il, disons qu'il revient, ou prenons n'importe quel bonhomme, qui commence à se servir de la science pour pouvoir tuer, détruire, pour pouvoir prouver que Dieu n'existe pas, pour pouvoir faire plus en miracle que ce que l'homme pourrait faire, ou ce que le Nazaréen a fait, il y a une prophétie qui parle de lui. Quand allons-nous découvrir la bête? Quand? Lorsqu'on aura un homme qui sera trop puissant qu'on devra motiver la masse contre lui. Comment pouvons-nous motiver une masse contre lui en se servant d'une prophétie? Alors un être intelligent va dire, c'est la bête, parce qu'il s'est prophétisé. Alors la collectivité va automatiquement embarquer parce que ça a été prophétisé. Alors on va avoir une puissance pour lutter contre. Mais si on n'aurait pas la prophétie de la bête, lorsqu'un jour un être humain devient suffisamment puissant dans le parallélisme de la conscience supramentale dans le plan astral, pour se servir de l'apparence de l'intelligence régie par son ego, on ne pourra pas motiver la masse à lutter contre parce que la masse n'aurait pas été avertie de sa probabilité de naissance. Alors cet être va dire, je marche sur les eaux, il marchera. L'homme va dire, extraordinaire, fantastique, wow. Mais si on a prophétisé qu'un jour quelqu'un viendrait, mais ce n'est pas le bon, alors l'homme reste dans le doute. Et s'il est capable de motiver l'humanité à s'entre-déchirer ou quoi que ce soit, la prophétie, un être intelligent va venir, il va se servir de la prophétie. Je veux dire par là que beaucoup de nos prophéties ont été placées juste au cas où un homme en aurait besoin. Juste au cas où un homme en aurait besoin. Ce qui fait que la majorité des prophéties ne s'accomplissent pas parce qu'on n'en a pas besoin. Alors on va les replacer dans l'avenir. Ce n'était pas le temps. Et c'est intelligent de fonctionner ainsi. Parce que lorsqu'un être va être suffisamment énergisé pour rayonner, on pourra dire de lui, il est le Christ qui revient. On pourra dire de lui, il est le précurseur du Christ. On pourra dire de lui, il est l'ange. Il pourra toujours s'ajuster dans une prophétie, ce qui va automatiquement le protéger de l'aveuglement collectif. Le Nazaréen a été protégé parce que c'était le Messie. Les Juifs attendent toujours le Messie, alors ils auront leur Messie. Cela veut dire qu'un jour, une intelligence corporifiée pourra se servir de l'attente des Juifs pour faire quelque chose d'intelligent au niveau des Juifs. Cela, des protestants par exemple. Cela veut dire aussi que dans notre prophétie catholique ou judéo-chrétienne, on laisse des portes ouvertes à l'intelligence. Et la prophétie du prophète blanc, donc celui qui n'est pas manipulé par l'astral collectif, donc je ne parle pas du prophète de malheur, lui est là pour éduquer, pour instaurer un chemin qui pourra servir et qui pourra ne jamais servir. Lorsqu'un être est suffisamment puissant, dangereusement puissant, il va être détruit par la masse. S'il s'imbrique dans une prophétie, la masse le protège et lui-même va instaurer d'autres prophéties pour que dans l'avenir, d'autres intelligences, s'ils en ont besoin, puissent se servir de la prophétie. C'est l'un des rôles que je ne pensais pas, disons, élucider ce soir, mais c'est l'un des rôles les plus intelligents de la prophétie. Les prophètes ne sont pas là pour prédire l'avenir, ils sont là pour laisser des chemins, et que si un jour une intelligence a besoin, elle pourra prendre. Parce que la ferveur collective, la fureur collective, l'ignorance collective, nécessite la prophétie. Le Nazaréen a survécu jusqu'à sa crucifixion parce que telle avait été la prophétie. Et tout au long de son passage, il a dû se plier à accomplir des choses qui ont été tellement éblouissantes, impressionnantes pour les disciples, pour les apôtres, qu'ils l'ont noté. Alors, il fit telle chose afin que s'accomplisse la prophétie, on l'énumère. Oui, parce que lui n'avait rien à voir avec la prophétie. Par contre, pour se protéger, il a accepté de jouer le rôle de la prophétie et il devait créer des liens entre lui et la prophétie. Connaissant la prophétie, il s'est servi de ces liens pour que le peuple l'accrédite comme étant celui prévu par la prophétie. Or, c'est un des rôles fondamentaux de la prophétie. Si j'étais un détracteur de la prophétie apocalyptique de Saint Jean de Patmos, là, j'argumenterais, par exemple, que il est dit dans cette prophétie qu'il ne passera pas une génération avant que la prophétie s'accomplisse. Une génération, c'est une trentaine d'années. Il s'est passé 2000 ans depuis. Exactement. C'est que la prophétie, l'apocalypse de Saint Jean de Patmos, était une révélation de choses présentes ou passées. Et après la génération suivante, tout cela a été accompli. Sauf qu'aujourd'hui, on la conserve parce qu'elle est extensive, elle aussi. Et on la conserve parce qu'on vit, on a beaucoup d'êtres humains qui vivent, c'est-à-dire qui ne pensent que par la Bible. Alors, on parle de guerre d'Apocalypse que eux, avec leurs yeux technologiques, ne voient pas dans le passé, tandis que les yeux de Saint-Jean, ce qu'il a vu était suffisamment effrayant pour lui permettre d'en parler. On a aussi Saint-Luc, qui prophétise un peu l'Apocalypse, et encore une fois, ce que lui prophétise s'est déjà passé depuis longtemps. Et Daniel? Non, Daniel, c'était autre chose. Comme ça. Je sais pas, je pose la question. Oui, c'était des prophéties qui se réalisaient dans l'instantané. Il n'a jamais parlé de quelques milliers d'années. Et c'est un des rares prophètes qui a vu ses prophéties se réaliser les mois suivants. Ici, une question justement en rapport avec le Christ. Quelle est la différence entre ce que disent les vrais et les faux prophètes? Jésus-Christ était un prophète. S'il n'avait pas existé, où serait rendu le monde? Alors, Jésus n'était pas un prophète, il a évidemment prophétisé parce que, comme tout être intelligent, s'il se sert d'une énergie présente, d'une prophétie, il doit en échange en créer un autre, de façon à ce que quelqu'un d'autre puisse se servir d'une prophétie. Si on instaure, l'intelligence instaure une prophétie, c'est un chemin. C'est complexe, la prophétie, mais comprenons que c'est un chemin. Et ce chemin, n'importe qui peut marcher dessus. Mais il doit avoir la puissance suffisante pour qu'il puisse entrer en résonance avec ce qu'on attend de celui qui marchera dans la prophétie. Si le Nazaréen ne marche pas dans la prophétie, un autre marchera dedans. Et c'est pourquoi on pouvait dire, ce n'est peut-être pas lui. Alors il donnait des signes pour qu'on finisse par dire que d'accord, c'est lui. Mais vu que lui a marché dedans, cette prophétie n'est plus utile à un autre. Alors, il doit en instaurer d'autres. Il devient par cela même un prophète. Mais c'est un prophète qui connaît l'intelligence du plan, c'est-à-dire de l'écologie de l'évolution de l'homme, donc c'est un prophète relié à l'intelligence supramentale, à l'énergie christique. Vu que lui a intégré l'énergie christique en bas âge, il est devenu le Christ, c'est-à-dire un Christ, le premier. Il a ensuite, disons, intégré d'autres formes d'énergie, ce qui lui a permis de sacrer son camp. Bon. S'il n'avait pas existé, où en serait rendu le monde? Mais qu'est-ce que ça peut nous faire? On perd suffisamment de temps à se demander qu'est-ce que cela aurait été si cela n'aurait pas été. Où on en serait si Einstein n'aurait pas livré le secret de la bombe atomique aux Américains? Où on en serait si les États-Unis n'auraient pas été libérés par Thomas Paine? Où on en serait sans la Révolution française? Où on en serait sans ceci, sans cela? Sachez une chose, que tout ce qui est arrivé ne pouvait faire autrement que d'arriver. Le monde est impossible sans ce qui est arrivé. De ce fait, nous en sommes là. Et à partir de là, travaillons. Qu'est-ce que serait le monde si le Nazaréen n'était pas passé? Bon, je pourrais en parler longuement, de l'intelligence du passage de celui-ci. Mais sachant que celui-ci est venu pour lui. Et évidemment, cela crée un résultat, cela crée une réaction dans l'écologie planétaire. Ce qui fait que l'homme, qui a une conscience collective, pense que le Nazaréen est venu pour l'homme. ça l'aide l'homme. Je fais souvent référence à ce petit crapaud qui est l'homme à côté d'une flaque d'eau, et le petit crapaud est en train de sécher au soleil, et là, il y a un chien qui passe en courant dans la flaque d'eau et qui clabousse le crapaud. Alors, le crapaud est sauvé par l'éclaboussement, alors il vénère le chien qui est venu spécialement pour le sauver, qui est passé dans la flaque d'eau, dans sa vie pour le sauver. Alors là, il prie le chien et il espère que le chien va revenir, au lieu de se déplacer, lui, vers la flaque d'eau. Bon, alors c'est un peu le processus de l'évolution humaine. Bon, c'est qu'il croit qu'on a un sauveur alors que c'est une réaction tout à fait normale, écologique, intelligente en ce sens qu'elle ne pouvait faire autrement que ce qu'elle a fait. L'eau, ça élimine la sécheresse, alors le crapaud a été sauvé par l'eau. J'ai lu, la personne dit ici, j'ai lu quelque part que celui qui fut Jésus de Nazareth serait maintenant réincarné et ce personnage serait syrien. Vrai ou faux? Peut-être. La réponse... J'ai toujours répondu peut-être dans les questions vrai ou faux. Pour ou contre? C'est les fausses questions, ça, c'est intéressant, les fausses questions. Vrai si ou on a le temps, je vais revenir gueuler un peu là-dessus. Je te donnerai un coup de main, si t'en as besoin. Est-ce que l'énergie supramentale peut être captée par la femme? Je crois que c'est un homme qui pose ça. Capté. Selon... vous, qu'est-ce que je peux répondre? Non, je vais manger les coups de sacoche. Donc, je dois répondre oui. Est-ce que c'est vrai ou faux? L'intelligence, lorsque l'homme pose ou lorsque la femme pose une question, elle se découvre. Est-ce que l'énergie supramentale peut être captée par la femme? D'ailleurs, on leur a fait plusieurs conférences sur la psychologie de la femme nouvelle, la psychologie de l'homme nouveau, la psychologie de la femme nouvelle 2, pour essayer d'expliquer ceci. Parce que j'ai parlé longuement sur le rôle de la femme dans l'évolution de l'homme et le rôle de l'homme dans l'évolution de la femme. La première conférence que j'ai faite, c'est sans doute ce qui a été... le plus flatteur pour la femme. Sans doute une des conférences qui a été des plus flatteurs pour la femme, conférence qui supérieure sans doute à celle qui avait déjà été donnée par n'importe qui sur la planète. Et la femme étant tellement ancrée dans son éducation qu'elle s'est sentie vexée. Parce qu'elle s'attendait à plus. La femme ne peut pas être l'égale de l'homme, selon elle. Elle doit être supérieure, sinon elle est vexée. Alors, on a dû refaire une deuxième conférence, Psychologie de la femme 2, pour faire comprendre à la femme qu'on ne l'avait pas insultée. Et encore là, ça a été un petit peu, ça a été mieux compris. La femme... pour répondre brièvement, et si la personne veut en savoir un peu plus, elle n'a qu'à se référer à ses conférences. La femme ne peut pas pour l'instant entrer seule en contact avec l'énergie supramentale. Elle va bénéficier de tout ce que l'homme ne pourra pas intégrer. Donc, l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale, mais il va entrer en contact avec l'énergie supramentale parce que la femme l'a obligé à créer un mental. Donc, l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale grâce à la femme, et la femme va entrer en contact avec l'énergie supramentale grâce à l'homme. C'est merde pour la femme, c'est merde pour l'homme, il pensait s'en sortir tout seul. Et lorsque l'homme et la femme biologiques, lorsque la corporalité féminine et masculine entre en contact avec l'énergie supramentale, la femme reste, la femme demeure corporellement. L'homme demeure corporellement. Psychologiquement, cela va disparaître parce qu'on va assister à un homme nouveau. Lorsque je dis souvent à l'être humain nouveau, lorsque je dis souvent On parle d'androgyna. On parle de mécanismes où l'homme et la femme seront la même chose. Sur le même plan. Ils ne seront pas égales, parce que l'homme et la femme, c'est pas égal. D'ailleurs, l'homme entre l'homme n'est pas égal. La femme entre la femme n'est pas égale. Alors, encore moins d'égalité entre l'homme et la femme. Mais sur le même plan, la même longueur d'onde énergétique. Alors, il y aura un corps féminin, un corps masculin, ça s'arrêtera là. Et ça va servir à la procréation. Donc, la femme, est-ce qu'elle a la possibilité d'être en contact avec l'énergie supramentale? Oui, comme l'homme. Dans le début, l'homme va être précurseur, la femme va en bénéficier, et pas longtemps après, la femme n'aura plus besoin d'attendre après l'homme. Elle pourra, elle aussi, entrer en contact avec l'énergie supramentale. Chose qui est certaine, c'est que l'homme et la femme devront faire le chemin ensemble encore un bout de temps. Le couple, c'est quelque chose qui va devenir hautement important dans les années qui viennent. Une personne ici qui dit, j'ai vu dans un voyage astral un patriarche parler au travers d'un prophète pour donner un enseignement. Pouvez-vous m'expliquer quel est ce genre de prophète? Non. Je vais vous expliquer par contre ce qu'est un voyage astral. Dans un voyage astral, j'ai vu un patriarche. Le patriarche peut être n'importe quoi. Parler au travers d'un prophète, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que dans un voyage astral, le voyage astral n'existe pas. On fait une extra-conscientisation dans le plan astral. C'est-à-dire que notre conscience, au lieu d'être centralisée au niveau de notre cerveau, qui lui connaît le corps, peut être focalisée dans l'air ambiant, dans la mémoire astrale planétaire, donc dans le ciel. Et selon le niveau vibratoire de ce plan astral, on va faire un cauchemar dans les plans infernaux. On va dans l'astral normal, qui n'est pas psychologique. On va dans l'astral moral, on va dans l'astral spirituel, où on rencontre des patriarches, où on rencontre des moralisateurs, donc en haut, on n'a pas de manière de moralisateur plutôt, on rencontre des prophètes, des patriarches, des maîtres, des gourous, des vichys, et de tout ça. Là, j'ai rencontré, moi, dans un voyage astral, un bonhomme qui m'avait dit « Ch'tri, ch'trafo, ch'tromoko ». Et par la suite, j'ai appris que ça voulait dire « Lavez-vous le dessus des bras ». Alors, vous voyez que les maîtres, les apparences de prophètes, de gourous, les patriarches, même si on aurait... Prenons l'exemple. J'ai connu une personne qui a rencontré Moïse en rêve, dans un voyage astral. Elle est allée dans une mémoire de Moïse. Mais cette mémoire de Moïse, est-ce que c'était celle laissée par le passage de Moïse? Ou celle laissée par tous ceux qui ont pensé à Moïse? Ou celle laissée par tous ceux qui ont dessiné Moïse? Ou celle laissée par tous ceux qui ont haï Moïse. Dans quelle mémoire allait-elle fouiller? Si elle accrédite, elle accrédite l'erreur. On peut écrire sur les patriarches. On peut écrire sur beaucoup de choses. Lorsqu'on fait un voyage astral, on fait un rêve. Plus le rêve est conscientisé, plus le voyage astral paraît dense. Plus il paraît réel. C'est faux. Ce qu'on apprend dans un voyage astral, ce qu'on apprend dans ce genre d'extra-conscientisation, que ce soit une transe médiumnique, que ce soit une transe méditative, que ce soit quelle que soit la chose, si vous avez la faculté de le mémoriser, c'est dans l'astral. Lorsque c'est dans l'astral, cela veut dire que c'est coloré. De quelle façon est-ce coloré? Vous allez dans l'astral et vous rencontrez Daniel Kemp. C'est déjà arrivé à certains qui m'ont dit que j'étais très gentil de venir les aider la nuit. Alors moi, je leur ai répondu que non, la nuit, je dormais. J'avais pas de temps à perdre à commencer à aller voir tout le monde. La personne, elle va où? Elle va dans une mémoire de Daniel Kemp, par exemple. Vous allez vous rencontrer Daniel Kemp dans l'astral qui joue au tennis et qui perd. Bon. Vous allez être en contact énergétique avec une mémoire de Daniel Kemp. Quelle est cette mémoire? Quelque chose enregistré lorsque Daniel Kemp a réellement joué au tennis Donc, vous êtes sans coloration en train de vivre un annal akashique. Vous voyez ce qui a été fait dans le passé. Ce qui peut permettre à certains d'écrire des traditions ésotériques, de voir comment les dinosaures sont disparus, de voir un brontosaurus se faire bouffer par un tyrannosaurus rex, de voir des choses comme ça. Mais vous pouvez aussi aller fouiller dans la mémoire de Daniel Kemp, tel que pensé et énergisé par sa femme. Alors là, vous n'avez plus l'authenticité de Daniel Kemp. Vous vivez quoi? Tiens, il perd au tennis. Ah, il n'est pas si bon que ça. Mais vous pouvez aussi voir la mémoire de Daniel Kemp telle que créée par quelqu'un qui l'adore. Alors, il gagne au tennis. La raquette joue tout seul pendant que lui, il va se moucher. Bon. Alors, vous dites, j'ai vu Daniel Kemp qui fait quelque chose qui ne nous dit pas en conférence, mais c'est extraordinaire. Et vous pouvez aussi avoir le contact avec une mémoire de Daniel Kemp créée par quelqu'un qui l'haït. Alors, je lance la balle, je marque mon coup, je tire la raquette dans le visage de celui avec qui je joue. Et là, vous voyez Daniel Kemp qui n'est pas comme on pense. Dans l'astral, je l'ai vu, un maître me l'a dit. C'est ça le danger. On est toujours coloré. Parce que tout est enregistré dans l'astral. Mais avec quelle cassette avez-vous à faire? Est-ce que c'est le bon film ou le mauvais film? Celui qui rencontre un patriarche, des milliards de personnes ont eu le temps d'énergiser ce bonhomme. Qu'est-ce qu'on rencontre? N'importe quoi. Le maître, Jarkul, par exemple, qui est né en Atlantide, c'est-à-dire qui a eu certains contacts énergétiques en Atlantide, a vécu et présentement plusieurs le prient, plusieurs l'adorent, plusieurs parlent avec, plusieurs créent des copies, des sosies plus ou moins colorées de ce bonhomme. Et effectivement, cette énergie créée a la faculté, dans un songe, dans un rêve éveillé, de venir vous voir pour vous parler. C'est de la mémoire. Vous écoutez une cassette, ça vous parle. Vous regardez une vidéo, ça vous parle et vous voyez. Mais ce n'est pas la chose comme elle était. Et plus la vidéo vieillit, plus les couleurs sont ternes. Alors vous dites, faisait mauvais cette journée-là. Peut-être pas. Et plus cela va, plus les auteurs créent des vidéos de ça, plus on a une copie tout à fait difforme de l'original. Alors, j'ai vu dans un voyage astral un patriarche. Le patriarche apparaît comme il se doit d'apparaître pour créer chez vous ce qu'il doit créer. Vous voulez rencontrer le diable, vous allez le voir laid. Sauf si vous aimez le diable ou si vous n'en avez pas peur. Vous voulez rencontrer Dieu, il va apparaître selon une forme qui va être crédible par vous. Et c'est ça le danger. Le patriarche parlait dans un prophète pour donner un enseignement. L'enseignement, c'est un amalgame de différentes choses qui va entrer en résonance avec votre évolution de façon à vous manipuler. Vous dites au prophète d'aller se faire voir. Par d'autres qui n'ont besoin. Expliquer ce genre de prophète, c'est la même chose. La majorité de ceux qui ont parlé en prophétisant ont eu des songes, ils ont rencontré des anges, ils ont rencontré des prophètes, ils ont rencontré des choses qui leur ont dit « va ». Alors, ils allaient et ils disaient cela. Quel genre de prophète ils étaient? La même chose que ça. On ne doit jamais se fier au viol de l'ego pendant le sommeil. Jamais. Aux rêves, aux songes, aux voyages astraux, à n'importe quoi. C'est amusant d'en faire, c'est plaisant, c'est comme quand on va voir un film. C'est tout. Deux questions qui concernent ton livre. La semaine dernière, j'ai acheté votre livre et je l'ai passé à une amie après l'avoir lu. Je tiens à vous féliciter car ce livre nous a fait un bien considérable. Pourquoi n'a-t-il pas été mis en vente avant ce jour? Bon, le livre n'a pas été mis en vente avant ce jour pour la simple raison que j'ai toujours eu des doutes tant quant au texte du livre. Et présentement, je considère que le texte qui est à l'intérieur, quoique spirituel, quoique philosophique, est suffisamment doux, mais pas trop doux, et qu'il permet quand même à une personne qui a la faculté de comprendre, de voir. C'est-à-dire que le livre, lorsque je l'avais écrit, était une espèce de voile. Lorsque moi je le relisais, j'avais suffisamment changé pour penser que ce qui était écrit dedans n'était pas tout à fait correct. C'est-à-dire, était peut-être trop spirituel. Et présentement, dernièrement, quand j'ai relu le livre, je crois qu'il est suffisamment parabolique qu'on peut y retrouver dans le calme, disons sans choc, des choses qui peuvent peut-être pousser l'homme à avancer un peu plus. Alors le livre, présentement, donc, on peut se permettre de le mettre en vente parce qu'il rentre tout à fait en résonance avec le travail que je fais, ce qui n'était pas le cas, disons, il y a quelques années. J'ai lu votre livre. La vision que vous avez donnée du monde post-apocalyptique est-elle une prophétie? Non. C'est-à-dire que ce n'est pas une cristallisation d'un futur possible. C'est l'explication par le biais d'un événement, l'apocalypse, où je peux, dans ce livre, dans ce roman, me permettre d'envisager des futurs possibles et me servir de ces futurs possibles pour expliquer les mécanismes même de l'évolution tel qu'il est accompli par les intelligences. Sauf que l'intelligence à l'intérieur du livre prend le visage de maître ou de guide. L'homme en évolution, l'homme transitif, prend l'image d'un enfant de 9 ans et l'homme ancien prend l'image d'un village sur une terre. Cela permet une compréhension plus facile parce que amusante, simpliste et presque poétique. On a déjà dit que mon livre est un immense poème. Alors, ce n'est pas une cristallisation de l'avenir, c'est plutôt l'explication plus terre à terre, plus compréhensible des mécanismes même qui régissent l'évolution de l'homme. À l'intérieur du livre, on va rencontrer des personnages, et que ce soit des poissons, que ce soit des arbres, que ce soit différentes choses, qui se présentent réellement, mais non pas d'une façon matérielle, mais qui se présentent réellement dans la vie évolutive d'une personne. La seule prophétie, disons, qu'on peut retrouver à l'intérieur du livre, si je la trouve, je vais en parler. Et si je ne la trouve pas, je n'en parlerai pas. Ça ne sera pas trop long. Je l'ai trouvé. Alors, je vais vous lire ceci. Je ne lis jamais. Je vais lire simplement pour, si on veut savoir au niveau prophétie. C'est juste amusant. Il faut interpréter. Tous les prophètes sont nébuleux. Alors, je suis nébuleux dans cette prophétie. Ce qui nous permet une marge d'erreur. Alors, Samuel, qui est l'enfant, se pose la question que toute l'humanité se pose. Est-ce qu'on est juste nous autres, on va changer l'humanité? Juste nous autres, on est les seuls. Alors, ils sont trois ici, deux maîtres, donc deux guides et Samuel, qui demandent, et nous ne sommes que trois. Alors, le bonhomme répond, « Non, petit-fils, sous la terre, dans le ciel et derrière chaque arbre, nous avons des alliés, qui à l'insu de tous nous préparent le chemin. Dans le peuple, certains seront malades afin que nous puissions les protéger et montrer aux autres ce qu'est l'esprit. » D'autres mourront afin que nous les ressuscitions pour faire comprendre aux médecins que la science spirituelle est la seule porte de guérison véritable et durable. Des maisons s'effondreront afin que nous sauvions les gens qui les habitaient pour enseigner le contrôle de la force du matériel. Des tyrans viendront déclarer la guerre afin que par la paix et l'amour nous puissions les vaincre pour enseigner au peuple la force de l'amour. Du ciel viendront les visiteurs afin que nous puissions les accueillir et ainsi dire aux hommes qu'ils ne sont pas les seules préoccupations de l'univers. Du cœur de l'humanité viendront les pires calamités, afin que nous leur apprenions à connaître le diable et à le réduire en servitude. Tu verras alors, petit-fils, qui sont les maîtres cachés qui, depuis des milliers d'années, permettent l'évolution de l'humanité sur la terre. Tu vivras ce que peu de monde a vécu, et cela sous le sol que tes pieds que de tes pieds tu foules présentement. Et le reste, c'est une suite. À l'intérieur, juste de ceci, on voit peut-être un peu de quelle façon l'énergie intelligente s'arrange pour que la collectivité comprenne. Je prends l'exemple du 9h01, mais je pourrais prendre différents autres exemples, mais disons que vous connaissez surtout ce qu'on a écrit au niveau du 9h01. Lorsqu'il va quelque part et qu'on lui présente un aveugle de naissance, l'aveugle de naissance a été aveugle pour permettre au Nazaréen, lors de son passage, de le guérir. Pourquoi ne guérit-il pas tout le monde? Parce que tout le monde n'est pas là pour servir de leçon, d'enseignement à l'extérieur. Alors, il faut comprendre que de temps en temps, un événement apparaît pour permettre à quelqu'un d'apprendre quelque chose, pour permettre aussi à quelqu'un d'enseigner quelque chose. On parle d'apocalypse, on parle de misère, on parle de maladie, on parle de cure médicale, de nouvelles maladies qui apparaissent, toujours pour enseigner à l'homme que le chemin qu'il suit présentement n'est pas le bon. Et cela permet aussi à une intelligence de venir, de s'imbriquer dans une prophétie, et là, certaines personnes ne sauront jamais pourquoi elles souffrent, ne sauront jamais pourquoi elles ont des misères et des malheurs, chercheront à comprendre et leur seule fonction est de servir d'outil d'éducation à la masse. Et ça, ce sont des choses qu'on va voir de plus en plus dans l'avenir. Si on regarde le phénomène de la prophétie, là, le besoin qu'on a de la prophétie, là, est-ce que c'est pas justement un symptôme d'une absence totale de conscience ou de confiance en soi ou d'identité ou de responsabilité? C'est pourquoi la prophétie, elle a le rôle de venir s'imbriquer dans l'ego. La prophétie apocalyptique crée le doute mortel chez l'homme. Ce doute mortel remet l'homme, fait que l'homme se remet en question totalement. L'homme inconscient, cela va de soi, parce que la prophétie n'a plus de raison d'être pour l'homme conscient, il s'en fout royalement. La réalité, elle est ce qu'elle est et il perçoit. Ce n'est pas de la prophétie, il sait. Et il est prêt à changer son savoir de jour en jour pour l'adapter à ce savoir. Tandis que chez l'homme ancien, la prophétie est nécessaire parce qu'il s'endort. Alors on lui dit, ne dors pas parce que si tu dors, tu vas te faire surprendre. Prophétie apocalyptique. Alors là, il se tient réveillé, mais il est réveillé pourquoi? Alors on lui amène l'apothéose, l'autre prophétie qui va lui permettre de se nourrir, d'attendre implacablement la fin de l'inutile. La fin de l'inutile, c'est la fin de l'homme ancien, c'est-à-dire la fin, pas de l'homme ancien. Pour être précis, la fin de l'inutile, c'est la fin de l'évolution de l'âme. Parce que l'âme, l'ego est la seule partie de l'homme qui veut évoluer et il se trouve que c'est la seule partie qui ne peut pas évoluer. La fin de l'inutile, c'est la fin de cette évolution de l'ego. L'homme n'a pas évolué. Présentement, l'homme doit entrer en contact avec une énergie. Alors, l'apocalypse, quelle que soit sa forme, la forme apothéose, la forme apocalypse extensive, la forme apocalypse immédiate, donc quelle que soit la prophétie, elle est là pour instruire l'ego, pour façonner l'ego de façon à ce qu'il avance, et de façon aussi à ce qu'il se regroupe en clan, en peuple divin, de façon à ce qu'il cesse de s'entretuer. La prophétie est la voie idéale par laquelle l'intelligence va communiquer au peuple, à la collectivité. On ne peut pas parler à une masse autrement que par la prophétie et par l'accomplissement de la prophétie. Alors, on parle à la masse par le biais d'un prophète, par le biais d'un relié au Dieu, qui va dire « danger ». Et on parle à la masse par l'accomplissement de la prophétie « danger ». L'homme sent le sol vibrer, mais l'homme ne le sent pas vibrer. Mais l'homme perçoit une vibration. L'homme dort. Et dans sa vibration, l'homme entre en contact avec l'astral qui, elle, a enregistré cette vibration du sol. Alors l'homme l'interprète par sa sensibilité. Et lorsqu'il est réveillé, il y a une peur chez lui. Il y a une prophétie chez lui, un apocalypse chez lui. Il a une peur et soudain, il voit clairement cette peur. Dieu lui dit de dire aux autres « malheur ». Et 6 mois après, un tremblement de terre balaye la place. mais lui l'avait senti comme le cochon, comme la poule. Mais lui l'a conscientisé parce qu'il a une arme, parce qu'il a une faculté d'évolution, et soudain, il a peur. Les prophètes ont toujours eu peur. Le prophète ne disait pas « Malheur à tout le monde !» assis convenablement. Il s'en allait « Malheur !» puis il criait, puis il tremblait, puis il était complètement nerveux, parce qu'il avait peur. La première apocalypse naît chez l'homme qui se doit de la partager parce qu'il est collectif. Et c'est le seul moyen réel, intelligent, les deux moyens sont la prophétie et l'accomplissement, qui peuvent servir l'intelligence pour communiquer à la masse. Lorsqu'un bonhomme vient, s'il n'est pas couvert par Dieu, on le tue. Je parle souvent à la radio et on me demande « Au nom de qui parlez-vous? » Je dois parler au nom de quelqu'un, alors dites-moi au nom de qui, je vais vous dire au nom de celui-là, ça va vous permettre de dormir. Bon, je parle en mon nom. Donc, on ne peut pas vous croire. Même au nom de Dieu, vous ne pouvez pas me croire. Vous devez comprendre, réveillez-vous. Pas question de croire. C'est par là qu'il faut aller. Ah, parfait, allons-y, Dieu qui parle. Quand le gars tombe, tout le monde tombe. Parfait. Là, on va dire, ah, mais c'était pas le bon Dieu. C'était un mauvais Dieu, c'était le diable, c'était ci, c'était ça. Parfait. Mais tous ceux qui sont morts, croyez à suivre le bon Dieu. Parce que l'homme parlait au nom. Moi, je parle en mon nom. Alors, on ne me suit pas, on ne me fait pas confiance et c'est parfait. Alors, est-ce que la question du vrai ou du faux prophète se pose, comme tout à l'heure? Oui. Cosmiquement, le faux prophète est celui qui est régi par l'astral, mais c'est un vrai prophète. Et cosmiquement, le vrai prophète est celui qui vient instruire un chemin, créer un cadre utile à l'évolution. Lui, c'est un vrai prophète. Mais les deux, par rapport à l'homme, seront des vrais prophètes. Quand allons-nous savoir qu'un tel est un faux prophète? C'est lorsque ce qu'il aura dit aura amené la chute ou ne sera pas accompli. Alors on va dire c'est un prophète de malheur ou c'est un faux prophète. Mais on ne le saura pas avant. Alors comment faire pour arriver à s'en sortir? Ne pas suivre les prophètes. Si c'est intelligent quelque chose, c'est pas parce qu'on le prophétise, c'est parce que c'est brillant. Alors on embarque là-dedans. Si on se trompe, on se trompera. Si on est intelligent, on verra et on embarquera dans d'autres choses. Mais on ne suit pas. On ne peut pas suivre. Est-ce que vous suivez les prophètes de malheur? Non. Mais oui, parce que vous les fuyez. C'est-à-dire qu'eux autres créent un chemin par là. Ils créent automatiquement un chemin par là. Alors, vous embarquez dans la guerre, vous la fuyez, mais vous excluez toutes les autres possibilités de chemin. Donc, on suit le prophète de malheur. Lorsque l'homme dit « paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », on a déjà vu d'ailleurs c'était quoi un homme de bonne volonté. C'est tous ceux qui vont aller en guerre et qu'on va dire « paix sur leur tombe ». Lorsque l'homme parle de l'intelligence de quelque chose, lorsque l'homme pense à l'intelligence de quelque chose, il peut le faire en groupe, il n'est pas collectif, il travaille collectivement, mais il est conscient individuellement. Alors lui n'a plus besoin de prophète. Tu demandes si on peut parler de faux ou de vrai prophète. Cosmiquement, oui, c'est-à-dire qu'on a celui qui est régi par la tendance de l'humanité, c'est-à-dire que lui n'annonce pas ce qui va être. Il annonce des choses qui peuvent être. Et on a le prophète qui, lui, est inconscient et qui est régi par l'intelligence supramentale et qui, lui, annonce ce qui va être parce que, de toute façon, guerre, pas guerre, etc., ça va arriver. Lorsque tu as des poules, tu as des œufs. Lorsque tu as exactement comme si on dirait après la pluie, le beau temps. Ça, c'est un vrai prophète. Parce qu'il annonce ce qui va arriver. Indépendamment de l'homme. Lui, il est dans le plan de l'écologie. Le prophète de malheur va dire, si vous vous repentez, le soleil va revenir. Il est régi par le plan astral. Il peut avoir raison. Tout le monde a peur, tout le monde se repent, le soleil arrive. Mais même si tout le monde aurait continué à pécher, le soleil serait arrivé. Mais ça, on ne le sait pas, parce qu'on a crédité le prophète. Le vrai prophète ne dit pas ce qu'il faut faire et ne maudit jamais. Si on veut parler d'intelligence. Tandis que le faux prophète dit ce qu'il faut faire et maudit si on ne fait pas. Qui croit? Personne. Le prophète, il est là pour dire ce que l'homme va faire. Pourquoi le croire? Même s'il n'est pas là, on va le faire. Et le prophète réel d'intelligence amène des choses intelligentes. Pourquoi le croire? Si on est dans la même intelligence que lui, on le fait. Si on n'est pas dedans, on rit de lui. Mais de toute façon, il va se passer ce qui va se passer. On n'a pas besoin de prophète. Et le prophète a un rôle fondamental, je répète, créer la prophétie. C'est extrêmement utile. Il est curieux de voir qu'au début du mot apocalypse en grec, qui veut dire révélation, comment ça a été changé en destruction dans la psychologie collective. Et surtout que ces révélations, présentes ou passées, que veut dire apocalypse? Apocalypse ne veut pas dire révélation future, ça veut dire révélation présente ou passée. Apocalypse. Alors, si on regarde certaines Bibles, on va regarder dans quelques définitions. À un moment donné, on fait un peu d'étymologie. Apocalypse de Saint Jean, apocalypse, révélation de choses passées ou présentes. Et ça date de quelques milliers d'années. Alors, effectivement, l'homme, le prophète de malheur, a besoin de dynamiser cette culpabilité, cette part dans l'ego, pour le forcer à se sentir mal. Suite à cela, il instruit la prophétie d'apothéose, et là, l'homme a une espèce de cheminement. Ça dynamise la masse, et c'est le seul chemin présentement par lequel peut passer l'intelligence supramentale pour communiquer avec l'homme, l'homme collectif. Donc, une personne qui n'est pas insécure par définition, elle ne devrait pas avoir aucun intérêt pour la prophétie. Exactement. Est-ce que tu es sécure? Oui. Est-ce que tu fais tirer aux cartes? Non. Oh ben, j'y vais par curiosité, mais je crois pas à ça. Bon, ça te coûte combien pour pas croire à ça? Par année. Bon, c'est un passe-temps. C'est un passe-temps parfait. Je connais un bonhomme qui fait une conférence, c'est ben, bon, tiens-tu que moi? Oh, oui, ça coûte tant, puis bon, parfait. Mais tu vas te faire tirer aux cartes, par exemple, pour passe-temps. La sécurité, regarde ceci. L'homme dépense des centaines et des milliers de dollars par année pour cette sécurité, ou pour l'oubli de la peur, donc, pour la sécurité. Aller voir une partie de hockey à 50 $, c'est pas cher. T'en as eu pour ton émotion. T'as oublié que tu vivais le temps que tu vivais le gambo. Aller voir un film à 5 $, 5 $ et demi, plus le popcorn, ici, les ça, donc à 10 ou 12 $. Ça, c'est pas cher. On se plaît un peu, mais on y va pareil, on change pas. Allez voir Boy George à 75 $. Allez voir n'importe quoi. Pour se distraire, s'acheter de l'équipement de ski, sortir, lire, boire, fumer, écouter de la musique, c'est pas cher. C'est jamais cher. S'instruire pour apprendre pourquoi on a peur, pourquoi on est insécure, c'est toujours trop cher. Toujours. Et moi, je suis capable d'arriver et annoncer publiquement, pour 1 000 $, je vends un trip de 2 heures, mais vous n'en reviendrez jamais. Ça vaut toutes les drogues du monde, puis c'est pas dangereux. 1 000 $, c'est pas cher. C'est pas cher. Mais je dis, j'ai besoin de 1 000 $, 50 fois, 50 000 $. Et on va faire un immense panneau publicitaire qu'on va afficher dans les rues, et on va dire, exemple, les forces armées, si la vie des autres vous intéresse. Bon, pour faire un encontre. Ou encore, on va étudier un problème dans la société, et on va dire, j'ai besoin de 1 000 $ tant de fois pour appliquer une solution. C'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher. Mais pour s'amuser, pour oublier qu'on existe, pour oublier qu'on a peur, pour se rassurer, je vais donner de l'espoir. Je vais vendre de l'espoir. Présentement, je ne vends pas de l'espoir, je vends du travail. Et c'est pourquoi c'est tough. Du travail. C'est pas de l'espoir, c'est du travail. Mais si je me mets, moi, à vendre de l'espoir avec le vocabulaire que j'ai et la connaissance de la psychologie humaine que j'ai, on va acheter le stade olympique. Parce que ici, raisonnablement, on n'aura pas cette place. Mais lorsque la personne vient et qu'elle espère, je l'envoie promener. C'est douloureux. Alors elle va effectivement se promener là où c'est pas cher. Parce que ici, ce n'est pas le prix qui est cher. C'est le travail. Ça, ça coûte cher. Alors, l'homme a besoin présentement de la prophétie, prophétie que j'instaure moi aussi, prophétie apothéosique et non pas apocalyptique, pour la simple raison que j'instruis l'astral, mais je n'instruis pas l'homme. L'homme, on travaille ensemble, on fait des choses. Mais c'est important. À la radio, qu'est-ce que je fais à la radio? Je n'instruis pas l'homme. L'homme qui m'écoute à la radio aime ça, jouit, s'endort, crie, brasse sa femme, brasse la chaise, m'appelle pour m'engueuler, m'appelle pour me remercier. Mais je fais cela pour instruire la société et non pas l'individu. C'est-à-dire que je prépare le terrain pour qu'un jour, lorsqu'un enfant va être bien seul et qu'il ne s'ennuiera pas, et qui va faire des choses, qui va s'amuser dans le bois, qui va marcher, qui va sentir les plantes, qui ne voudra pas aller à l'école parce que c'est décadent, un enfant qui ne s'ennuiera pas des parents, un enfant qui va être sans cœur, ben je fais juste instruire la société. On ne doit pas battre l'enfant pour qu'il ait du cœur. C'est ça que je fais. Je n'instruis pas le parent, mais à un moment donné, par le snobisme de l'âme, de l'ego évolutif, le parent va dire, tout fier tout d'un coup, il va dire premièrement, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant pareil? » Ça, c'est fréquent, vous connaissez ça, hein? Vos parents vous l'ont déjà dit, puis vous l'avez peut-être déjà dit vous aussi. Bon. Mais là, on va encore chialer. Il est sans cœur, il dit pas merci. Il apprécie pas ce qu'on lui donne. Ben oui, il l'apprécie, mais à la valeur de ce qu'il a besoin. Si tu lui donnes quelque chose pour que toi tu te sentes apprécié, puis lui n'a pas besoin, ben il l'appréciera pas. Si tu lui donnes quelque chose qu'il a besoin, il va dire « Ah, génial! Il sauve dans sa chambre puis il s'en sert. » Tu es là tout seul. Il est bien hypocrite, il est bien égoïste. Mais non, là, il l'apprécie. Il vit avec. Alors le parent va chialer. Et à un moment donné, par le snobisme que je suis en train d'instaurer dans la société, et c'est un arme à double tranchant, mais le tranchant bénéfique est plus gros que le tranchant maléfique, la personne va dire, « Ah, mais peut-être que mon gars, c'est un enfant nouveau. » Il va attirer l'attention. « J'ai un enfant nouveau, wow! » Fait que là, il va arrêter d'aller nuire. C'est comme ceux qui mettent sur les annonces publicitaires, « Sexe, sexe, sexe. » Maintenant que nous avons attiré votre attention, nous allons vous parler des manteaux de fourrure qui sont en vente aujourd'hui. Exactement, le sexe, ça permet de s'expliquer. Hein? C'est pour nous autres. Tout le monde sait ça, c'est pas pour nous, c'est pour nous autres. On a des films de festivité, justement, qui se sont présentés un peu partout. Alors, c'est ça. D'ailleurs, on a présentement des boîtes et ça commence à fonctionner. Sauf que c'est le penchant dangereux disons, de la précursion publique de l'homme nouveau. Alors, présentement, et je vous mets en garde là-dessus, c'est qu'on a déjà des produits qu'on met en vente et c'est écrit blablabla pour l'homme nouveau. Alors, il existe présentement des médicaments pour l'homme nouveau. Bon. Ah oui, c'est sérieux. Il existe des souliers pour l'homme nouveau, il existe des choses pour l'homme nouveau. Bon. Et c'est déjà inscrit sur les boîtes. Évidemment, parce que les publicistes, les psychologues se rendent évidemment compte que ce qu'il cherchait, ben, c'est que l'homme change. L'homme, la femme deviennent individuels. Mais ils savent très bien que l'ancien dans l'homme nouveau risque aussi de prendre le dessus. Et c'est pourquoi aussi je fais de la radio, c'est que ça va prendre le dessus dans celui qui ne peut pas comprendre. Alors lui va se promener en disant, moi je suis un homme nouveau. Et à mort les hommes anciens. Bon, c'est un homme ancien, lui, il était promis de se tuer. Bon. Mais ça va faire quoi? Ça va faire que lorsque les enfants, surtout, vivent différemment, vivent une conscience nouvelle, ben à un moment donné, les parents vont se faire une fierté de laisser l'enfant être ce qu'il est. Parce que il y a le snobisme de l'évolution. Ça devient une marque de commerce. Si t'es évolué, t'es un homme nouveau. Si t'es pas un homme nouveau, t'es involué. Évidemment, c'est une farce, c'est faux. Entre nous, c'est carrément parfait. C'est merveilleux, pourquoi? Parce que si un jour vous rentrez quelque part et que vous avez une idée géniale, que votre patron vient vous voir et que le patron se dit, « Cette cave-là, qu'est-ce qu'il fait là? Et là, vous vous retournez, puis vous parlez comme vous, comme ça vous tente, librement, mais diplomatiquement. Et là, le patron va dire, parce qu'il a entendu parler de l'homme nouveau. Ah, mais c'est ça, l'homme nouveau. Bon, ben, c'est ça l'aide. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ceux qui vont naître de pouvoir naître sans se faire attaquer, sans se faire taper dessus. Il y a peut-être un jour des gens qui chercheront un job avec un curriculum vitae sur lequel il y aura marqué « J'ai assisté aux conférences de Daniel Kemp sur l'homme nouveau, etc. » On rit, mais ce sont des choses qui déjà existent. J'ai rencontré des personnes, puis d'autres personnes ont rencontré. Alors, il arrive. Alors, moi, je vais me tuer. J'ai fait le séminaire de Daniel Kemp. Maudite bonne situation, ça. Tu l'as-tu réussi? Parce que tu as fait, tu penses. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie des mécanismes normaux. Vous allez voir où, évidemment, la publicité va commencer à apprendre cette terminologie. Quand la femme a voulu se libérer, bon, on s'en est servi. Quand on a parlé de peace and love, parlé de la paix, bon, on s'en est servi. Mais c'est normal. Parce que ça permet une diffusion plus massive. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour, ça va se faire. Alors, si je vais à la radio, il faut que j'accepte. Est-ce qu'on me vole mes idées? C'est pas mes idées. La femme nouvelle, c'est une réalité. C'est pas moi. L'enfant nouveau, c'est une réalité, c'est pas moi. L'homme nouveau, c'est une réalité, c'est pas moi. Alors, on me vole rien. Mais on se sert de la conscience collective pour essayer de créer un snobisme dans l'homme ancien pour lui faire croire que s'il marche dans tel soulier, ça va être un homme nouveau. Et s'il prend tel médicament, ça va être un homme nouveau. Alors, regarde, le prochain symposium, on a un médecin qui va justement parler de la médecine vue par l'homme nouveau. On a un chiropraticien, la médecine douce vue par l'homme nouveau. Ils vont en parler tous les deux de ce que c'est. Alors, on a des termes, par exemple, on a des tremplins où on a, le médicament, vive le médicament, tout court. Ça, c'est un homme nouveau qui va en parler, vive le médicament. On a des termes assez originaux, mais ça va permettre aussi à l'individu de comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'homme nouveau? Est-ce qu'il y a un médicament pour l'homme nouveau? Y a-t-il un médicament pour l'homme nouveau? Ben, il y a un médicament pour celui qui a mal à la tête. Parfait. Bon, mais si tu es un homme nouveau, si tu es un homme ancien, si tu es une femme nouvelle, si tu es une femme ancienne, le médicament de l'homme nouveau. C'est commencé. On a différentes choses. Je ne veux pas nommer, ou quand on aurait des esprits faibles pour aller les acheter. Mais on a effectivement déjà, et c'est très amusant. Ce sont des prophéties. Des prophéties réelles. Ça va venir. Mais ça permet... Mon travail à la radio, il est écologique. Tout ce que je fais là, ce n'est pas d'amener du monde ici. Oh, c'est sûr que certaines personnes sont ici ce soir parce qu'ils m'ont entendu à la radio. Mais sachez bien que la majorité de ceux qui m'entendent à la radio ne viendront pas ici. Je suis là tous les semaines. Alors pourquoi ils se déplaceraient? Ils ont qu'à se coucher et ils m'entendent une fois par semaine. Alors évidemment, au niveau de publicité, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Celui qui a se déplacé va finir par venir faire un tour ici et c'est une personne qui avec qui on pourra entrer en résonance. Les autres personnes sont correctes, sont amplement correctes. Un jour, peut-être qu'on aura à se rencontrer ou ils rencontreront d'autres personnes. Mais le travail radiophonique, c'est surtout celui de préparer un terrain pour laisser la paix aux personnes nouvelles qui naissent un peu partout à l'échelle du Québec. Les gens qui suivent le PMC, est-ce que tu leur fais vivre un apocalypse intérieur? Donc, le séminaire PMC, donc le séminaire sur l'homme nouveau, que je fais une fois par mois, qui est un séminaire intensif, c'est souvent du brasse camarade. C'est-à-dire que je ne brasse personne s'il ne pose pas de questions. Alors, tu poses une question, tu as une réponse. Tu en poses une autre, tu as une réponse. Alors, il faut que tu apprennes à te taire si tu n'es pas trop brassé. Mais à un moment donné, il pose des questions. Le reste du PMC, non. Parce qu'ils travaillent, et c'est déjà un apocalypse suffisant pour eux. Mais ils ont suffisamment d'intelligence pour se rendre compte aussi de l'utilité. Parce que le programme Maître Contrôleur, c'est un cours qui est dur, qui est tough. Qui est tough pour l'être spirituel et pacifique qui veut évoluer. Parce que lui, ce soir dans une classe, et là, je vais évoluer ce soir. Là, je vais apprendre des choses et je vais évoluer. Alors, le professeur, il rentre et il commence. Bon, alors, on va vous montrer des techniques respiratoires qui vont permettre d'équilibrer les énergies yin et yang chez vous et vous faire découvrir une autre forme d'énergie, l'énergie ominale, celle que vous créez et que vous rejetez par l'expiration. Alors, lorsque vous êtes malade, tout croche dans un lit, qu'un médecin rentre, là, c'est le temps de respirer parce que lui, il ne sait pas, mais il en jette de l'énergie ominale qui peut vous aider. Mais... on vous montre pas ces techniques-là. Là, on va prendre le livre PMC2 à telle page où on a l'anatomie respiratoire. Parce qu'on connaît la psychologie de l'homme et si vous savez pas pourquoi ça marche, vous le ferez pas. Alors, technique. Bon, alors ici, on commence avec l'anatomie. D'une façon simplifiée, mais ils apprennent cela. La relaxation en PMC1, ils découvrent comment ils n'ont jamais appris à se relaxer et pourquoi toutes les techniques n'enseignent pas une relaxation réelle. Mais ils n'apprennent pas la relaxation tant qu'ils n'ont pas découvert leur corps physique, muscle après muscle, pour le contrôler. Mais là, il faut qu'ils apprennent le nom des os. Il faut qu'ils apprennent. Alors, je m'y suis pas évolué, là, moi, là, puis je me sens sujet. Puis en PMC5, en PMC6, alors là, ils sont totalement différents et souvent, ils deviennent professeurs parce qu'ils ont compris qu'en enseignant, ils apprenaient plus. Parce que tu enseignes toujours ce que tu as le plus besoin d'apprendre. Ça, c'est la parole. Et ça, c'est l'apanage de l'homme nouveau. La parole est d'or. C'est un cours qui est dur. Pourquoi? Parce que là, moi, je veux apprendre, je veux être initié. Parfait, faites semaine prochaine un cours d'équitation. J'ai pas les chevaux, moi. Ben, c'est ça, tu vas être initié. Alors, viens voir, c'est un animal, c'est vivant. Au lieu de travailler avec un auto, au lieu de travailler avec des choses mortes, tu travailles avec la vie. T'apprends à connaître la vie. C'est un cours qui est extraordinaire. Tu vas faire de la voile, tu vas faire de l'escalade, tu vas faire des voyages, tu vas apprendre à... ben, des choses. Mais, tu dois travailler. Alors, évidemment, d'ailleurs, c'est sûr que l'homme ancien ne vient pas s'inscrire à un cours de PMC pour la simple raison que lui veut évoluer sur cassette, dans un livre, ou avec la foi. On pourra revenir sur la foi. La foi, ça va sauver du monde, c'est cœur en commun. La seule chose qu'il y a, c'est que la foi amène toujours au savoir. Et lorsque l'homme sait, il doit abandonner la foi pour prendre le savoir, et lorsqu'il sait, il doit travailler. Bon, ben, en cette journée de Saint-Valentin, on vous souhaite de bien travailler chez vous en rentrant à la maison. Je vais juste revenir sur une petite chose. Oui. Pour ceux qui se sentiraient visés, la semaine prochaine, la conférence, c'est la guérison ésotérique. On va surtout parler de la maladie ésotérique. De tous les symptômes qui transparaissent chez l'homme parce que l'homme se conscientise et parce que l'homme a des phénomènes énergétiques. Et en 1986, ça va être énorme au niveau de ces symptômes de maladies ésotériques ainsi que de la fatigue et de l'épuisement, ce qu'on va retoucher la semaine d'après.